la ville est maniée. Tu réponds aux autres et ça, tout ça ton affaire. Tu connais bien ça là, pas bon. Maladie la point guérison. Alors tous les jours il faut t'y faire le commerce. Voisin le jour, la nuit, tu es l'époux veillé. Tu vas y aller jusqu'à quand, jusqu'à cabinet. Mais tu prends pas un bout de papier. Il va t'en à tout travail bouffé. Moins que tu vas vraiment guette à l'île de bruit. Assez fait mal, fait mal, fait mal, quoi raté. Qu'est-ce pas la paille nana dans son yeux. Quand dans la tienne nana un monstre bois piqué. Pour voir ton défaut, tu es les gêner. Mélange, mélange, mélange pas ton qualité. Avec ton monde les trop bon poussé. Comme cochon dans la boue, tu les habitues roulées. Tendant les blancs mais le cœur les rouillés. Regarde pas la paille, regarde pas la paille dans les yeux de ton voisin quand dans ton yeux a tué nana et bois piqué. C'est pas bon. C'était le proverbe du jour. Bonjour Mickaël. Bonjour Isabelle. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Ça va très bien. J'espère que La Réunion va bien aussi. Bonjour La Réunion. Alors vous saviez, on avait parlé de Cyprien Verseux. Oui. Ce jeune homme qui était parti donc dans une expérience financée par la NASA, soit simuler la vie martienne. Enfermé dans une bulle pendant un an. Un an, sans un jeune aucun Français. Contact avec l'extérieur. Eh bien, c'est fini. Ôté, ça y est, lui a sorti. Il sort. Comment il est? Il sort de cette expérience. Ça va bien? Ça va bien. Ah, bah, il va revenir donc à la vie normale maintenant. Ça, c'est fait. Tout ça pour vous dire que dans J-2 maintenant, eh bien, c'est l'événement à La Réunion. Eh oui. Un événement spatial là aussi. L'éclipse. Annulaire. À suivre sur Réunion Première, radio, télévision et internet. Bonjour à tous, il est 5h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane Henny-Laurac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Après l'installation hier d'un engin de pêche à l'intérieur des filets, un drone va survoler aujourd'hui la zone de baignade de Boucan à la recherche d'un requin. Les autorités accélèrent après l'attaque de samedi. Un squale aurait même été prélevé dans la nuit. Des aveux partiels pour l'homme accusé de viol en 2014 à l'étang Salé. Il reconnaît bien avoir abusé de sa femme, mais pas de sa nièce ni de sa fille. Son avocat va plaider l'acquittement, vous l'entendrez. Verdict attendu ce soir. Le monde entier et la presse internationale à la Réunion et plus particulièrement à l'étang du Gol à Saint-Louis, où sera installé un village spécial éclipse. À J-2 du phénomène, les habitants sont prêts à accueillir les visiteurs. Responsabilité personnelle ou responsabilité collective, alors que la polémique ressurgit sur le risque requin, les autorités de l'île travaillent encore pour trouver de nouvelles solutions. L'État, la région et la mairie de Saint-Paul ont déjà beaucoup fait depuis plus d'un an, mais visiblement ça ne suffit pas. Alors hier, les autorités étaient sur le pied de guerre. Hubert Debeu. On ne gère pas une attaque de requins dans un espace de baignade et d'activité nautique surveillée comme ailleurs. Hier, les réunions entre le préfet et les collectivités, dont la mairie de Saint-Paul, se sont succédées. Les premières décisions ont été prises. Une est même déjà en place. Une palangre a été installée hier en fin d'après-midi à l'intérieur du filet sur le lieu même de l'attaque. Objectif, bien sûr, prélever le requin s'il est encore là. Deuxième décision, elle est prévue tout à l'heure. Un drone va survoler le périmètre entouré du filet. Là, il s'agira de voir si un ou plusieurs requins traînent dans cette zone. Troisième décision, si la palangre est retirée dans la journée et si la caméra du drone ne distingue rien, les plongeurs de la société Synergie iront demain mercredi vérifier le filet, une plongée qui se fera avec une sécurité renforcée. Hubert Debeu et le dispositif post-attaque qui semble enfin donner des résultats. Selon Jean-François Nativel de l'association Océan Prévention Réunion, une femelle bulldog de 3 mètres et de plus de 200 kilos aurait été pêchée dans la nuit à proximité de la plage de Boucan. Et puis ne ratez pas dans notre prochaine édition, dans un peu moins d'une demi-heure, vous y retrouverez le témoignage de Bertrand Babeuf, ce maître nageur sauveteur qui s'est blessé en allant secourir le bodyboarder attaqué. Verdict attendu ce soir dans cette affaire de viol conjugal débattue depuis hier aux assises. En 2014, à l'Étang Salé, l'accusé aurait abusé de son épouse alors que celle-ci était inconsciente suite à un malaise. Il comparait également pour des faits de viol sur la nièce de sa femme et pour des attouchements sur sa propre fille de 4 ans. Des actes pour lesquels il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. S'il reconnaît le viol de sa femme, l'accusé nie en revanche catégoriquement tous les autres faits qui lui sont reprochés. Son avocat va plaider aujourd'hui son acquittement. Le bâtonnier Georges-André Ouarot au micro de Nadine Bachelot. On a coutume de dire qu'une guenon ne lâche jamais une branche sans en tenir une autre. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'il fallait donc évacuer celui-là. Et on a instrumentalisé sa propre fille de 2 ans et demi, 3 ans, et sa nièce de 12, 13 ans. Ça, je saurai le démontrer et on aura l'acquittement sur ces deux prétendues infractions, crimes et délits. En ce qui concerne l'acte sur elle-même, sur l'adulte, nous serons démontrés que c'est une pratique sexuelle qui avait cours chez eux. Je pense que même là-dessus, l'acquittement est plaidable. Selon vous, le fait de dénoncer ces faits 9 ans après, ça ne rend pas crédible la version de l'épouse? Mais surtout qu'ils se sont mariés au bout de 9 ans de ces pratiques-là. Où est la cohérence là-dedans? Le bâtonnier Georges-André Ouarot. Prise de fonction officielle hier pour le nouveau sous-préfet à la cohésion sociale et à la jeunesse. Gilles Trémont succède ainsi à Rémi Daroux, originaire de Thiers en Auvergne, où il a exercé 3 ans comme sous-préfet d'arrondissement. Gilles Trémont dit avoir choisi la Réunion par goût de la nouveauté et des challenges à relever. Et parmi les chantiers prioritaires du nouveau sous-préfet, les violences intrafamiliales et surtout la jeunesse. Déjà la politique de la ville, avec tout ce que ça comporte de cohésion sociale, de rénovation urbaine. Aussi beaucoup de choses concernant la jeunesse, notamment la lutte contre le décrochage scolaire, qui est quelque chose, un sujet majeur à La Réunion. Et puis le suivi du projet d'investissement d'avenir qui a été déposé par la région et dont La Réunion a été lauréate. Vous disiez que vous aviez le choix entre 3 destinations, vous avez préféré La Réunion. Oui. Pourquoi ? C'est vrai que je connaissais déjà l'île et je pense qu'elle mérite qu'on s'y attache, mais aussi parce que les problématiques qui m'étaient proposées dans le cadre de mes fonctions paraissaient particulièrement intéressantes. Cohésion sociale et jeunesse, ce sont des dossiers immenses dans lesquels il y a besoin de faire vraiment de la coordination et de l'impulsion de dossiers, donc je pense que je ne vais pas m'ennuyer ici. Gilles Trémont, sous-préfet à la cohésion sociale et à la jeunesse, répondait à Daniel Dambreville. Favoriser l'implantation de ruches en forêt publique, c'est le souhait du département et de l'ONF. Les agents de l'Office national des forêts ont répertorié des zones intéressantes et 27 nouveaux lots s'ajouteront aux 45 concessions existantes. Les deux organismes lancent un appel à projets aux apiculteurs intéressés et des candidats qui seront sélectionnés, Jean-Paul Mélade, sur la base de plusieurs critères. Le document du département précise qu'il favorisera les apiculteurs professionnels ou avec un projet de professionnalisation. Ils devront de préférence être affiliés à l'AMEXA, la Sécurité sociale agricole. L'apiculteur postulant devra indiquer dans sa lettre les dispositions qu'il prendra pour respecter l'environnement et les paysages, les dispositions pour la gestion des déchets, le respect du zéro pesticide ou encore son projet éducatif envers la jeunesse, par exemple. Il devra détailler les mesures à prendre pour assurer la sécurité du public, celles à prendre pour éviter les essaimages. Si l'apiculteur opte pour un ou plusieurs lots dans le parc national, il doit obtenir l'avis du parc. Ensuite alors, il pourra signer son contrat de concession avec l'Office national des forêts. Et attention, c'est aujourd'hui le 30 août, le dernier jour pour déposer votre dossier de candidature. C'était un reportage signé Jean-Paul Mélade. Il y aura foule jeudi à Saint-Louis pour l'éclipse annulaire de soleil. C'est dans cette commune qu'on pourra le mieux observer le phénomène. Du coup, un village sera installé à l'étang du Gaule pour les professionnels, les passionnés, mais aussi le grand public. On pourra regarder cette éclipse à travers des télescopes mis à disposition. Pour se rendre sur place, il faudra laisser sa voiture soit à l'usine du Gaule, soit sur un parking derrière la gare routière. Des bus assureront la navette jusqu'à l'étang. On attend des touristes et des visiteurs venus d'un peu partout dans le temple Tamoul, juste à côté de l'étang du Gol. L'UC attend avec plaisir les visiteurs qui doivent venir. Il répond à Sophie Persson. Ah ben c'est une bonne chose pour le développement de la Réunion. Hein. En plus, touristes, c'est une belle chose. Hein. Donc vous allez accueillir ces touristes alors ici? Ben oui, il y aura des traducteurs, hein. Il y aura le monde entier, la presse entière qui sera là. Il va nous interroger, le vécu du temple, comment cette coutume, comment s'est développée la culture à la Réunion. Hein. Et les ancêtres, les engagés, tout ce qui est venu travailler, ben ce sera une belle chose pour émouvoir, savoir... La culture de la Réunion, hein, comment c'est métissé, les nombres de religieux qui sont en harmonie. Et bien voilà, c'est une belle chose. Hein, c'est une bonne, surtout à Saint-Louis, c'est, disons, c'est le sud qui est un berceau touristique. Et voilà donc un village éclipse à Saint-Louis. Au tampon, la commune a décidé de fermer les écoles ce jeudi à l'occasion de cette éclipse. André-Étienne Acoun, le maire du tampon, sera à 7h15 l'invité de Philippe Dornier sur Réunion Première pour en parler. Voilà, c'est la fin de cette édition locale. Place désormais aux principaux titres de l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de France Info, Anne-Charlotte Costabadi. Les producteurs de lait maintiennent la pression sur Lactalis. Cette nuit, ils sont mobilisés partout en France, devant des sites du groupe, avant la reprise des négociations sur le prix d'achat du lait dans la matinée. Les actions avaient commencé hier, avec aussi du tractage et des retraits de produits Lactalis des rayons de supermarché. La majorité socialiste n'a pas épargné Nicolas Sarkozy. Hier, le chef du gouvernement, Manuel Valls, une douzaine de ministres et un millier de militants étaient réunis près de Toulouse à Colomiers pour la rentrée politique. Attaqué donc envers la droite et l'ancien chef de l'État qui est, selon Manuel Valls, une menace considérable avec un programme brutal, selon ses termes. L'église de Saint-Étienne-du-Rouvray rouvrira ses portes aux fidèles le 2 octobre. Elle était fermée depuis l'assassinat du père Jacques Hamel fin juillet, attaque revendiquée par le groupe État islamique. Tous les objets déposés près de l'église en hommage au prêtre ont été recueillis pour la création d'un mémorial. Un hommage national sera bien rendu à Nice pour les victimes de l'attentat du 14 juillet. Les associations de victimes de l'attaque étaient reçues par François Hollande hier à l'Élysée. Il a donc accédé à une demande de plusieurs semaines. Reste à déterminer la date de cet hommage national. L'Italie, elle, se prépare à une nouvelle journée de deuil national. Les obsèques de plusieurs dizaines de victimes du séisme la semaine dernière se tiendront à Amatrice dans la journée. C'était la commune la plus touchée dans le centre de la péninsule. Le séisme a fait près de 300 victimes. Au Brésil, la présidente Dilma Rousseff a dû se défendre seule au Sénat pour la dernière phase de sa procédure de destitution. Elle a dénoncé un coup d'État et un procès injuste et arbitraire. Elle est accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour favoriser sa réélection. La dirigeante de gauche assure n'avoir commis aucun crime. En mer Méditerranée, de nouvelles opérations de sauvetage de migrants. Hier, avec ce nombre record, 6500 personnes récupérées par les gardes-côtes italiens. L'Olympique de Marseille devient américain. Le club de football phocéen est repris par l'entrepreneur Frank McCourt. C'est l'ancien propriétaire du club de baseball des Dodgers de Los Angeles aux États-Unis. En revanche, aucun montant de rachat n'a été divulgué. À l'US Open de tennis, c'est fini dès le premier tour pour Richard Gasquet, Stéphane Robert, Julien Benneteau et Alizé Cornet. Sol Gaël, mon fils et Benoît Paire ont réussi à passer pour le deuxième tour du Grand Chelem. Il était connu pour son rôle de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie de 1971. L'acteur américain Gene Wilder est mort ce lundi à l'âge de 83 ans. Également une mort pour l'icône de la chanson de variété latino, le chanteur Juan Gabriel. Il est décédé d'une crise cardiaque à 66 ans ce dimanche. C'est la plus célèbre des Australopithèques, Lucie. On en sait un peu plus aujourd'hui sur sa mort. D'après les résultats d'une étude parue dans la revue Nature, elle est probablement morte en tombant d'un arbre. C'était il y a plus de 3 millions d'années. Déjà 5h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Eh ben ça commence bien ce mardi, moins de vent, plus de soleil, Mickaël. Oui, ça c'est déjà la bonne nouvelle, vous l'avez ressenti cette nuit, il y a moins de vent déjà donc dans l'atmosphère du nord et du sud, et notamment aussi en ce début de journée, hein, pour certains et certaines, pour ceux qui se réveillent, et puis le soleil va s'imposer aussi de Saint-Denis à Saint-Pierre, ça c'est la bonne nouvelle. De l'autre côté, sur la façade est et le sud sauvage, on devrait encore faire avec avec quelques nuages. Et puis ensuite, la situation va s'améliorer. Des nuages qui pourraient provoquer quelques averses. L'après-midi, le temps va devenir plus nuageux. Tout de même, dans les cirques et sur le relief, avec quelques précipitations, notamment sur les hauteurs du nord-ouest, entre le port et Saint-Paul. Des nuages qui vont avoir tendance à s'étaler sur cette région. Partout ailleurs, et bien alternance de passages nuageux et d'éclaircies, avec toujours une couverture nuageuse plus tenace sur le flanc est du volcan, entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, et même jusqu'à Saint-Joseph, enfin c'est le sud sauvage et la côte sud-est qui seront concernés. Et puis le vent va souffler entre l'étang Salé et Saint-Joseph encore à nouveau aujourd'hui, mais avec des rafales un peu en deçà de celles d'hier, 65 à 70 km/h, ainsi que de l'autre côté de Saint-Benoît à Saint-Denis. Et puis une houle qui s'amortit, une houle qui est toujours présente sur les côtes ouest et sud, avec des vagues moyennes de 2 mètres dans le courant de la journée. Mais c'est quand même bien mieux que la journée d'hier, et notamment la matinée d'hier. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Salut la Réunion. Hello, hello. On espère que vous avez passé une très bonne nuit pour ceux qui se réveillent. Ouais, oui. Pour ceux qui vont se coucher, eh bien bonne nuit aussi, on peut il vous faut, le dire. Hein, aussi. Bah oui, il y en a qui rentrent travaillent du boulot, la nuit. Exactement. Faut pas les oublier. C'est ça. Et puis pour ceux qui sont au saut du lit, là en ce moment, on va nous se charger de vous réveiller. C'est notre mission comme chaque matin jusqu'à 8h. Et on fait un bisou également à tous ceux qui sont déjà sur le réseau routier pour nous envoyer des petits messages. Retenez bien ce numéro de SMS, le 06 92 70 2000, pour voilà. Nous dire comment ça va, facile. Quel temps il fait du côté de chez vous. Et si jamais il y a un problème sur le réseau routier, eh bien un petit message, il n'y a pas de souci. Et puis tout ce que vous voulez d'ailleurs, hein, vous nous envoyez par message, il n'y a aucun problème là-dessus. 06 voilà. 92 70 2000, retenez un numéro aussi, le 02 62 99 2000, parce qu'à ce numéro, on jouera avant 6h comme d'habitude pour deux places de concert, le concert événement Enfants Zillois, ça sera le 7 octobre prochain, Lisa. Eh oui, 3 heures de concert avant 6h, vous repartirez avec vos billets, faudra composer le 99 2000 grâce à notre DJ Fou qui vous permettra eh bien, de gagner comme ce d'habitude. Matin. Puis on ira sur le marché. Prisca, oui. Prisca, qu'est-ce que vous nous avez réservé de bon encore ce matin? Coucou, vous êtes à beau Prisca. Séjour. Salut. Bonjour Prisca. Bonjour les amis. Bah, sur le marché, il y a aussi des cadeaux à gagner. Ah. Que, à partir de 8h30, vous allez pouvoir venir retirer votre panier garni. Mmh. On va vous donner un mot de passe tout à l'heure à 6h20. Et le panier sera certainement rempli de fruits et de légumes pays. Donc, comme d'habitude. Voilà, restez bien connectés sur Réunion Première pour récupérer votre panier en direct sur le marché forain de Beauséjour. Bon, le temps est calme ici, hein, du côté de Sainte-Marie. Par contre, il fait frais marmaille. Hein. Ah oui, avec votre, ça change pas. Avec votre pull, col roulé, 15 degrés non, en ce moment du côté de Beauséjour. On attend ça avec impatience, hein, le marché de Beauséjour tout à l'heure avant 6h, donc 5h45 très exactement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la fraîcheur, mais bon, c'est tellement courant ces derniers jours. C'est ça, fini habitué en fait. Il fait frais un peu partout. Encore l'hiver. Hein. Sur les, n'oubliez pas le grand défi du petit déjeuner. Hier, on a eu pas mal de petits déjeuners en dehors des heures de grand matin, hors compétition quasiment. Oui, mais c'est pas grave. Mais ça nous fait quand même plaisir. Mais oui. Donc cette photo de petit déjeuner vous permet peut-être de repartir ce matin avec deux places de cinéma. Mm-hmm. Donc c'est pas rien. Voilà, mais c'est pas tôt. C'est pas tout ? Ben non ! Eh ben non, c'est pas tout ! Parce que si tu postes ta photo de petit déjeuner, tu gagnes certes des invitations pour aller au cinéma, ça c'est le cadeau de ce mardi, mais sinon, grand tirage au sort vendredi pour repartir, je te le donne en mille. Emile ! Dis-moi, Isa. Allez, petite dis-moi. Excursion dis-moi. Sur un grand catamaran. Ouais. Pour deux personnes. Oui. Ça te dit ? Eh ben moi ça me dit bien, eh ben voilà, mais ça sera pas pour moi. Mais non ! Ça sera pour croisière vous. Croisière et découverte pour vous. Si vous participez et aujourd'hui à l'émission, grand tirage au sort vendredi. Eh ben voilà. Eh ben je crois c'est que tout le est cadeau dit. De la c'est semaine. Royal. N'oubliez pas, page Facebook Grand Matin, votre photo sur cette page. Voilà. Et en avant la croisière. Voilà. À tout de suite. Réunion Première, c'est la radio pays. Bonjour la Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Y a grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. C'est ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la radio pays. Première. Et nous, Horoscope, avec Juliette. Ah, je sais que c'est ton moment préféré. Tu te lèves que pour ça, bien pour sûr. Lui dire bonjour. Allez, vas-y. D'ailleurs, celle qui me motive chaque allez, matin. Allez, vas-y, vas-y. Bonjour, Juliette. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud, hein. Bonjour, comment allez-vous? Nous sommes très bien. Aujourd'hui, c'est la Saint-Fiacre. Excellente fête à vous, messieurs. Nous sommes le 30 août. Bah oui, ce mois tire à sa fin. Encore une petite journée. Voici tout de suite les prévisions astrales de la première. Bélier, une déclaration à faire? Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Taureau, vous trouverez la joie d'être pleinement vous-même. Gémeaux, vos proches se révèlent tels qu'ils sont, ce qui pourrait vous créer quelques surprises. Cancer, aujourd'hui c'est simple, il va juste falloir limiter la casse. Lion, faites encore le dos rond pendant quelques jours. Vierge, vous ne serez pas suffisamment clair dans votre façon de communiquer, résultat, beaucoup de temps perdu. Balance, vous serez le plus souvent aujourd'hui dans la retenue. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très épanouissant pour vous. Scorpion, vous n'êtes pas directement concerné par la conjoncture, passez votre chemin. Sagittaire, il va falloir aménager vos efforts pour durer le plus longtemps possible. Capricorne, aujourd'hui vous allez donner le change, mais alors juste ça. Verseau, mais où allez-vous donc puiser toute cette énergie et ce tonus? Poisson termine par vous, vous agissez pour soulager les membres de votre famille d'un lourd fardeau. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes. Merci Juliette. Et oh là vous là avez là. Vu, on a avancé déjà oui. ce matin puisque elle m'a dit comment allez-vous. Enfin, elle m'a dit, elle nous a dit. Ouais. En même temps, tu sais quoi? Elle me voit peut-être. D'ici le mois de décembre, elle va te dire salut Mika. C'est possible. Oui. J'attends vraiment ce moment oh là là. Avec impatience. On se remet de nos émotions. Ouais, alors on va filer d'abord à Vincennes, puisque hier se jouait. Bah du coup, je suis tout émoustillé. Les Riga et plus. Ouais, c'est fini. Hein. Hier se courait le tiercé quarté quinté plus. Elle m'émeut. Elle t'émeut. Mais un jour, il y aura le tiercé de l'amour. C'est possible. Bon. Mais pas tout de suite. On va aller sur Vincennes déjà. Ça sera déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors hier à Vincennes, il fallait jouer le 14, le 15, le 7, le 10 et le 4. 14, 15, 7, 10, 4 numéros plus gagnants. Le 08 58. Cet après-midi, Mickaël, le quinté va se courir à Clairefontaine. Exactement. Ce sera le prix du bocage. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je te montre un truc, tu vois pas? C'est écrit trop petit? C'est pas bien écrit ce matin. Pas bien écrit. Voilà, c'est pour ça. Oh là là, mauvaise foi de cet homme. 16 partants, 2400 mètres à parcourir, 4 400 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première qui vous conseille le 6, le 10, le 15, le 8, le 3, le 4, le 11 et le 14. 6, 10, 15, 8, 3, 4, 11 et 14 pour votre quintet, le prix du bocage cet après-midi à Clairefontaine. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Alors faites comme moi, Roubs, Dieu Marmaille, parce que vraiment on en a besoin. Voici Bad Care avec le facteur de ma fat sur première. La brume bon réveil. Dans la plaine, le jour se lève à peine. 40 kilos de lettres, c'est parti pour des kilomètres. Mes vieilles pompes, ma casquette et le cuir de ma musette. Je traverse tranquille dans ce monde paisible. Les sentiers serpentent, le cirque, la forêt se vante fort et haut. D'appartenir à ce décor magique de falaises, de voiles d'eau. On y oublie même le temps, j'en perds un peu sur ma tournée. Les touristes m'arrêtent souvent juste pour me photographier. J'aime le jaune de mon polo, moi la vapeur Zatier Moukat. Pas de moteur ni même de vélo, je suis un facteur en savate. Je n'ai besoin d'aucun numéro, y'a pas de rue, y'a pas de boîte. Je connais tous les habitants de la rue. Je suis le facteur de ma fat. Je connais les îlettes par cœur, proche plate. Îlette aux orangers ou encore îlette à malheur. Chaque maison accueille familier. Je suis un peu le messager porteur de toutes les nouvelles. Celles qui s'accrochent tout en haut des falaises. J'aime le jaune de mon polo. Moi la vapeur Zatier Moukat. Pas de moteur ni même de vélo, je suis un facteur en savate. Je n'ai besoin d'aucun numéro, y'a pas de rue, y'a pas de boîte. Je connais tous les habitants de la rue. Je suis le facteur de ma fat. Fin de carrière de timbre et de courrier, déjà 4 fois le tour de la terre. Mes mollets sont aussi durs que toutes ces années de marche. Dans la fraîcheur des fougères, j'ai rangé ma casquette, le soleil de mon polo. Je me souviens du parfum des tamarins. Rien n'est pareil à ce métier, rien n'est aussi beau. Je suis le facteur, je fais partie du tableau. J'aime le jaune de mon polo. Moi la vapeur à Team ou 4. Pas de moteur ni même de vélo. Je suis un facteur en savate. Je n'ai besoin d'aucun numéro. Y'a pas de rue, y'a pas de boîte. Je connais tous les habitants. Vous vous réveillez avec nous comme chaque matin jusqu'à 8h. Eh bien oui, vous avez choisi la bonne onde. Bah oui. Celle de Réunion Première. La bonne onde. La bonne onde, oui, l'onde positive. De Première, Badker, le facteur de ma fat sur Première, 5h23. Bienvenue à tous. Eh, sachez que l'on s'intéresse à vous. Sachez aussi qu'on veut rendre votre vie plus facile. C'est ça le truc. Et vous êtes certainement embêtés parfois par la transpiration. Et nous sommes tombés sur un sondage. Un Français sur deux, donc on vous met dedans, forcément. Bah ouais. Et gêné par sa transpiration. Exactement. C'est fou, ça. C'est ça. Bah ouais. Ils sont incommodés par l'odeur, déjà, à 71%. Ensuite, il y a le sentiment de pas être propre. Quand tu transpires, que ça se voit, t'as l'impression, ah, mais c'est vrai. Propre. Bon, mais non, 60%. Ouais. Et les auréoles sur les vêtements, ça dérange. Les 47%. Fameuses auréoles. Et du coup, ton capital confiance en toi, descend. Oui. Du coup, forcément. Oui. Bon, alors, surtout en même les temps, auréoles, parce que vous êtes obligé de les cacher. C'est cracra, hein, ça fait cracra. Oui, en fait. Et puis bah, vous perdez quand même en prestance. Voilà. C'est sûr. En même temps, Michael, difficile de cacher ces 2,5 litres de sueur. C'est beaucoup. Ben oui. 2,5 litres. Eh oui, que tu sors tous les jours. 2,5 litres pour toi, homme. 2 litres pour moi, femme, quand même. C'est compliqué. Bah oui. Alors du coup, c'est un marché qui rapporte. Le marché de la transpiration, des antitranspirants, du parfum, etc. Donc on trouve toute qualité de façon pour essayer de faire en sorte que vous transpiriez moins. Ouais, mais vous avez de la chance en fait. Vous transpirez quand même un peu moins que nous. Mais après, nous ne sommes pas tous égaux devant la transpiration. C'est vrai. On est d'accord, c'est des moyennes. Hein. C'est ça, exactement. Donc il faut trouver toute qualité des astuces. Alors là, on vient de développer un truc pas mal, ça s'appelle le parfum anti-mauvaise odeur. Vous allez me dire, et c'est quoi qui est original là-dedans? Oui. Bon, en fait, c'est que tu mets un parfum, ça sent rien. Ah, ok. D'accord, ça sent que dalle. À quoi donc, ça sert? Sous le bras. Mais du coup, ça ne fait pas transpirer. C'est ça, c'est anti-mauvaise odeur et anti-transpirant. Le truc est justement là. C'est que ça ne sent rien, mais dès que tu vas sécréter de la sueur, c'est là que ton parfum qui sent rien, quand il sera en contact avec la sueur, il va sentir bon. Ok, donc ça va déclencher des micro-trucs, voilà, micro-trucs. Et en fait, le parfum agit comme un déodorant anti-odeur. Mais c'est extraordinaire. Sinon, bon appétit, passez au petit-déjeuner. Bon, d'accord, je vois que ça t'intéresse pas. Un mini-ventilateur, alors c'est au Japon, ça fait fureur. C'est déjà plus naturel, non? Pastille. C'est une entreprise japonaise qui a inventé ça. En fait, c'est un petit mini ventilateur que tu clipses si tu as une manche courte, que tu clipses comme ça dans ta manche courte. Ok, ça se voit. C'est pas hyper discret. Bon voilà, si vous voulez passer même plus pour un con, tu peux avoir l'air con. C'est tout à fait ça. Alors tu peux clipser à Mais au Japon tout est possible, hein, donc tout ça va bien. Choque personne. Non, hein, au Japon. Bon, tu clipses ton mini ventilateur. Alors attention, promesse du fabricant qui te dit quand même que ça a une autonomie, ce petit ventilateur, de 5 à 9 heures. Oh, c'est-à-dire que si tu mets ça depuis le matin jusqu'au milieu d'après-midi, bon, tu as l'air con, hein, de 6h du matin. Oui, voilà, c'est ça. Mais en revanche, je ne vous transpirerai plus. C'est ça qui est extraordinaire. C'est l'avantage. Bon, alors attention, ça coûte quand même un budget, si tu veux. Oui. C'est 30€ le mini ventilateur. Ah, mais c'est un budget ventilo, hein. C'est important. Alors, tu peux mettre ça sur le col si tu as une manche courte. Sinon, tu peux mettre sur le col de chemise carrément si tu as une manche. Et là, pourquoi pas. Au niveau du cou, mais pourquoi tu peux pas se customiser en ventilateur, mettre des ventilateurs partout. Alors, bon. Boucle d'oreille, comme le dit François, technique, sinon, pourquoi pas. Alors, il y a un Bulgare, lui, il a tout compris. Il a inventé la pastille, la confiserie anti-transpiration. Ah, mais là, ça va tout changer, je pense. Oui. Oh. Alors, attention, parce que là, quand même, son truc, ça fait un peu peur. Ouais. Il a inventé ça, c'était en 2014. Après le ventilon, tout est possible. Et alors, il a inventé ce bonbon en 2014. C'est arrivé en France l'année dernière, mais ça marche pas. Alors, je suis allé me dire, mais pourquoi ça marche pas, son bonbon anti-transpiration? Pourquoi, dis donc? Dites-le nous, on veut le savoir. Parce que ça a l'air quand même pas net, hein, comme truc. C'est un espèce de... Alors, c'est constitué d'un alcool, d'un je sais pas quoi, d'un machin, qui fait qu'en fait, quand tu prends le bonbon, après, tu sécrètes de l'alcool. Enfin, un alcool... L'alcool. Ça s'appelle le géraniol. J'ai été regarder sur Internet, ça a l'air d'être un truc... Ouais. Le géraniol. Oui, c'est horrible. Un truc. Le géraniol, comme l'agnol, en fait, comme c'est l'alcool. C'est comme pétrole, tu vois, c'est un truc vraiment... T'as pas envie de bouffer ça. Alors, ça coûte 8 euros le bonbon, quand très même. Très bien, merci. Merci d'être passé. Et donc, voilà, et ça marche pas. Sinon, l'antitranspirant classique... Voilà. Oui, je crois que c'est mieux. Sinon, sinon, transpirer. Hein. Oui, parce que transpirer, c'est la vie. Hein. C'est mieux. Ça permet de maintenir le corps à température. C'est ça. Je crois que c'est mieux. Bon appétit. Cécile Thomas arrive pour le journal à 5h30. D'ici là, un peu de douceur. Oui, s'il te plaît. Ça va sentir un peu meilleur, là, du coup. Cœur de pirate et Marc Lavoine sur Première. Vivre ou ne pas vivre. Vivre son rêve à tout prix. Tout donner au jour et la nuit, s'abandonner à l'infini. Vivre ou ne pas vivre, pour la gloire, pour les sous, pour un rêve devenu fou, faut-il y aller à genoux? Vivre ou ne pas vivre, pour cette passion qui nous dévore, voir passer la mort, puisqu'elle fait partie du décor. Vivre ou ne pas vivre, être seul, être là, être enfin face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être nu, être beau, être beau face à soi-même. Être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, renoncer au grand amour, danser sans arrêt toujours, mais y'a rien qui tue. Vivre ou ne pas vivre, le paradis est-ce l'enfer, est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Vivre ou ne pas vivre, être seul, être là, être enfin face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Vous le découvrez peut-être pour la première fois sur Réunion Première, Marc Lavoine qui s'entoure sur ce morceau de Cœur de Pirate, qui est célibataire à nouveau, et Arthur H, pour ceux t'as que ça intéresse. T'as les yeux qui brillent quand tu dis ça. Extrait de l'album Les Souliers Rouges, adapté du conte musical d'Andersen. Marc Lavoine sortira son nouvel album le 16 septembre prochain, et on attend avec impatience. Tu m'étonnes, 5h30 sur la Première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Retour ce matin sur l'attaque de requins à Boucan-Canote. Vous entendrez le témoignage de Bertrand Babeuf, maître nageur sauveteur, qui est intervenu pour aller secourir la victime. Il s'est sérieusement blessé lors de l'intervention. Il considère que son métier est dangereux. Ils vont rater la rentrée des classes jeudi, car ce jour-là, ils auront le nez en l'air et observeront l'éclipse du soleil. Des lycéens de Vaison-la-Romaine sont à La Réunion, un voyage organisé avec le club astronomie de leur établissement. La Réunion tournée vers le ciel, mais aussi vers le centre de la Terre. Un séminaire réuni à la plaine des Cafres, des spécialistes du magma, des points chauds. Reportage dans ce journal. Et puis si vous souhaitez avoir une ruche en forêt, c'est le dernier jour pour déposer un dossier à l'ONF. Un requin de 3 mètres, une femelle bulldog a été pêchée cette nuit devant Boucan-Canote. Un requin de 200 kilos, d'après Jean-François Nativel d'Océan Prévention Réunion, qui a posté l'information sur son Facebook. C'est le résultat de la pêche post-attaque lancée par le préfet de la Réunion, comme après chaque attaque de squale. Lui à braver la peur et le danger. Bertrand Babeuf est en photo dans vos journaux ce matin. Depuis hier, il témoigne du sauvetage du surfeur samedi à Boucan. Bertrand Babeuf est maître nageur-sauveteur. Il a sauté sur un jet ski samedi pour aller secourir le surfeur blessé. Lui-même s'est blessé durant l'intervention. Le jet ski a été renversé par une vague. Bertrand a dû être opéré de la jambe au niveau du tibia. Hubert Debeux l'a rencontré. Il est maître nageur-sauveteur que depuis 4 ans, mais son acte héroïque de samedi en dit long sur ses compétences. Sauveteur, lui va comme un gant. Bertrand Babeuf reconnaît que le métier de MNS sur une plage à La Réunion est un métier dangereux. Sur les plages de La Réunion, il suffit d'un diplôme comme pour travailler en métropole ou en piscine. Sauf que nous, on a un métier bien particulier. On a des conditions de vagues, des conditions de houle, du courant. Il faut vraiment connaître le milieu, connaître l'endroit pour pouvoir y travailler. C'est un métier dangereux, oui. Samedi, toute la journée, les maîtres nageurs se sont éberlués à faire sortir les surfeurs. Pierre-Yves Jousse est gérant du snack Le Boucanier, il en est le témoin. Ils font que ça avec les haut-parleurs. Ils leur disent aux gens, vous sortez, vous sortez. Les maîtres nageurs, eux, se sentent impuissants face au comportement des surfeurs. Complètement, puisque nous ne sommes, entre guillemets, que des sauveteurs. On n'est pas assermenté, on n'a pas pouvoir de police. Nous, quand on voit la mer comme ça, on se doute qu'il peut y avoir une attaque. Samedi, les surfeurs se sont mis en danger malgré les interdictions, mais ils ont joué aussi avec la vie des sauveteurs, des MNS dépités. Lorsqu'ils ont récupéré Laurent. Là, c'est l'être humain, c'est le papa, c'est horrible. On sort du cadre de notre travail à ce moment-là. Et malgré tout, on arrive à effectuer les gestes qui vont sauver parce qu'on est formé pour ça. Le problème avec le surf, c'est que lorsque tout est interdit, c'est là que les conditions de glisse sont excellentes. Hubert Debeux, et suite à cette attaque, plusieurs réunions de crise ont été organisées hier, notamment entre le préfet et la mairie de Saint-Paul. Il a été décidé d'installer une palangre au filet pour appâter le requin. Ce matin, une reconnaissance de la zone est prévue à l'aide d'un drone. Et demain, des plongeurs de la société Synergie devront peut-être aller réparer les filets. Une sortie qui se fera sous haute surveillance. Dans l'actualité également cette semaine, l'éclipse annulaire du soleil. Phénomène visible à La Réunion, mais pas en métropole, et cela a créé des liens. Depuis 3 ans, le club d'astronomie d'un lycée de Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse, est en contact avec le lycée de Sainte-Anne. Il travaille sur ce rendez-vous entre la Lune et le Soleil, et pour l'occasion, les métropolitains sont venus dans l'île. Ils sont arrivés samedi dernier à Saint-Benoît. Ce voyage leur fait même louper la rentrée des classes, Bruce Régent. Un voyage d'études comme celui-là, ça ne tombe pas de la lune. On a monté un projet pour lequel on a récolté des fonds. On a vachement travaillé en fait. On a notamment appris à manier les télescopes, l'astronomie, tout ça. Cette lune, Claire et ses jeunes copains astronomes ont quand même l'impression de l'avoir décrochée. Mais il y a encore du boulot, des contreparties. On vient bosser pour mettre les nez en l'air, faire toute la préparation pour animer l'éclipse. Jeudi, ils seront sur le débarcadère de Saint-Paul pour partager avec le public un peu du savoir que leur a prodigué Frédéric Charfy, responsable du futur observatoire de Vaison-la-Romaine. Ils ont été formés, observer le soleil, ils ont développé des compétences théoriques, tout ce qui est mécanique céleste. Ils essayent de le retranscrire le plus simplement possible en ayant les notions fondamentales d'astrophysique préservées. Et oui, Enzo l'admet, avoir l'œil dans la lunette c'est une chose, transmettre c'en est une autre. Déjà savoir se faire écouter, on va quand même se retrouver face à beaucoup de monde, c'est vraiment sur le tac. On s'attend à plusieurs centaines de personnes au minimum, il n'y a pas d'entrée donc les gens viennent comme ils veulent. La difficulté selon Pierre, ce sera donc d'éclairer le public tout en profitant de la pénombre de l'éclipse et en préparant la suite. Une expo souvenir qui, par respect pour les quelques mécènes financeurs, ne saurait être qu'une simple carte postale. On a besoin de ramener quelque chose, faire une exposition, montrer ce qu'on a fait, montrer qu'on a travaillé quand même. On n'est pas en vacances, mais on en profite bien quand même. Un reportage de Bruce Régent. Après avoir eu la tête dans les étoiles, retour sur Terre avec ce qui se trouve sous nos pieds au cœur de la Terre. Cela fait l'objet d'une conférence internationale à la plaine des Cafres. Une 50aine de scientifistes et de géophysiciens participent en ce moment à un workshop à la Cité du Volcan. Ils présentent les résultats de travaux effectués depuis 2009 dans le cadre d'une mission d'exploration planétaire. Ces travaux portent sur les points chauds du globe, comme celui présent sous le sol de la Réunion. Suzette Emma. Pour les scientifiques et géophysiciens du monde entier, la Réunion représente un grand intérêt. Parce qu'elle a sous ses pieds un des rares points chauds de la planète, le sujet sera au centre d'un workshop pendant 3 jours, explique Patrice Huette, directeur scientifique de la Cité du Volcan. On va aborder la notion de point chaud, c'est-à-dire cette source de magma au-dessous de l'île de la Réunion, donc qui est responsable de la naissance et de l'évolution de l'île de la Réunion, mais également de l'île Maurice, des îles Chagos, des îles Maldives et également des formations volcaniques volcanique en Inde. Pour voir à quoi ressemble ce panache situé sous notre île, le laboratoire Géosciences Réunion, dirigé par Guilhem Bariol, mène depuis 7 ans une mission, son nom, Rom-Rom. On a déployé donc des dizaines, voire quelques antennes de capteurs sur la Réunion, Maurice, Madagascar et au fond de l'océan. Et donc cette semaine, nous nous retrouvons pour discuter un peu des degrés d'avancement de l'exploitation de ces données. Et premier résultat concernant ce point chaud. Les premières mesures semblent indiquer que le modèle simpliste, donc linéaire de magma qui arrive d'une profondeur, voire du noyau, directement jusqu'à la surface, c'est pas tout à fait ça. Mais peut-être quelque chose qui monte par étapes et qu'il s'échappe du côté est, côté Réunion, Maurice, et ce magma qui s'échappe ensuite vers la surface. Aucune certitude, toutes les mesures collectées sont comparées, analysées. La Réunion devient le temps d'un séminaire, le centre de la Terre. Suzette Emma, 5h37 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Le nouveau sous-préfet à la cohésion sociale et à la jeunesse se nomme Gilles Trémont. Il succède à Rémi Darroux. Il a pris ses fonctions à la préfecture de la Réunion hier. Son portrait avec Daniel D'Ambreville. À 56 ans, Gilles Trémont est un jeune dans la fonction de sous-préfet. Il a fait ses armes pendant 3 ans à Thiers, en Auvergne. La Réunion est sa deuxième affectation. Un poste qu'il dit avoir choisi parmi 3 propositions. Notre île ne manque pas de difficultés. 56% de jeunes au chômage, 4000 d'entre eux en décrochage scolaire. Et une jeunesse en difficulté, précise Gilles Trémont, c'est des problèmes à retardement. Justement, le nouveau sous-préfet, qui dit ne pas arriver avec des solutions toutes faites, affirme aimer les challenges et les situations nouvelles. Un attrait pour la nouveauté que l'on retrouve dans son parcours professionnel très éclectique. Des études de droit avant de devenir receveur-percepteur au Trésor public. Il sera ensuite agent comptable du Centre spatial de Kourou, puis nommé au CNRS de Meudon, avant de rejoindre la préfectorale. Parmi les dossiers prioritaires sur le bureau du sous-préfet à la cohésion sociale, la rénovation urbaine, 13 contrats de ville sont en cours, et la mise en place du plan investissement d'avenir pour lutter contre le décrochage scolaire. Daniel D'Ambreville. Avis aux retardataires, c'est le dernier jour aujourd'hui pour déposer les dossiers de demande de ruches en forêt, des demandes à faire auprès de l'ONF. 27 nouveaux lots seront attribués. Il faut répondre à plusieurs critères. Votre dossier doit prévoir une protection de l'environnement et des paysages, mais aussi la sécurité du public. L'idée est de professionnaliser les apiculteurs. Les explications de François Payette, président du syndicat apicole de la Réunion. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'apiculteurs de loisirs, hein, et ben bon, il faut que ces gens-là deviennent par la suite professionnels, hein. Donc ça c'est un petit peu aussi notre vision de la chose, sans dénigrer, hein, le travail fait par les apiculteurs de loisirs qui sont aussi, hein, qui sont aussi souvent d'un grand professionnalisme. Alors ce professionnalisme, ça veut dire pas obligatoirement avoir des diplômes, hein, parce qu'on peut être, il faut qu'on soit aux normes dans des déclarations. Au niveau de la chambre d'agriculture pour avoir un numéro de SIRET ou un numagrite, hein, et au niveau de la sécurité sociale. François Payette, président du syndicat apicole de la Réunion, joint par Jean-Paul Mélade. Le syndicat appelle à la plantation de bois locaux endémiques pour satisfaire les abeilles et obtenir des miels intéressants. Des miels, par exemple, faits à partir de plantes qui pourraient soigner la grippe. Hein. Pour les abeilles Oiro, avec un petit miel qui va bien et qui soigne direct tout d'un coup. Complètement. Je te dis, protégeons les abeilles. Adopte un ruche. Merci Cécile. Ça s'arrange pas ici. Sur hein. La première. Ils sont piqués. Merci Cécile. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Oui, ça. Oui. Alors encore de la fraîcheur, mais moins de vent et plus de soleil. Oui, Michael. Ce qui va permettre aux abeilles de peut-être mieux voler aujourd'hui. Bah oui. Le soleil va s'imposer sur la plupart des régions de la Réunion avec une fraîcheur quand même matinale. Hein. On l'observe actuellement, 3 à 11 degrés donc, sur les hauts de l'île, 11 degrés par exemple dans le village de l'Entre-deux et 17 à 19 degrés sur le littoral, 19 sur le Barachois. Soleil qui va s'imposer donc une bonne partie de la matinée malgré quelques nuages sur l'est et le sud sauvage qui pourraient donner quelques averses. Des nuages qui vont se désagréger et donner quand même pas mal d'éclaircies. Et puis l'après-midi, progressivement, ce sont les hauteurs qui vont s'ennuager, hauteurs et l'intérieur de l'île, mais surtout les hauteurs du nord-ouest, entre le port et Saint-Paul, où là on pourrait aussi avoir une ou deux gouttes. Partout ailleurs, le temps oscillera entre nuages et éclaircies, voire forcément plus éclaircies en allant sur le littoral ouest, notamment entre Saint-Denis et la région de Saint-Pierre. Donc une grande partie ouest de l'île. Température cet après-midi entre 24 et 26 degrés, 24 à Sainte-Anne, ça sera sur le littoral et 12 à 22 degrés dans l'intérieur et sur les hauteurs 21 degrés notamment à Silos. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Eh, peut-être qu'on part à de miel sur le marché de Beauséjour avec Prisca. On va voir ça dans un instant. Qu'est-ce qu'elle va trouver? Qu'est-ce qu'elle va mettre dans son panier? La réponse dans un instant. Grande question. Et avant 6h, on vous fait gagner vos deux places de concert pour l'événement du 7 octobre prochain, Enfants Zilois avec l'Indigo. Voilà. Et Désiré François. On attend le DJ fou. Il sera là. Yael Troulès. À cause. La charmante Yael Troulès qu'on retrouve dans Secret de Souris, sur Réunion Première, tous les soirs. C'était à cause. Exactement. Et nous, dans un instant, on va retrouver Prisca sur le marché. Attention, à compter du jeudi 1er septembre, la Civis change ses modalités de collecte. Les jours et les fréquences de collecte évoluent. Pour vous accompagner, la Civis distribue actuellement un nouveau calendrier de collecte. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.plusbellelaville.re ou appelez le numéro vert au 0800 501 501. Le changement de collecte, n'oubliez pas, c'est à partir du 1er septembre. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les pompes. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Et Secret de Souris avec Yael Troulès, c'est 18h50, hein, tous les soirs en télévision sur Réunion Première. On va sur le marché. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Parce que le marché, c'est maintenant. Bah oui, avec Prisca. Avec Prisca. À Beauséjour. Ça va, Prisca? Ouais, ça va, réveil glacial. Hein, aïe, aïe, aïe. Sur le marché forain de Beauséjour. Mais donne un coup de main, Gilles, avec Bertrand. On est en train de ranger les ananas. Bonjour Gilles, comment il est? Ah, ben là, en forme. il voit, on l'a pas froid. Ah ben la frais, on connaît, ils battent avec, hein. Ils battent avec nous. Alors vous arrivez de Salazie, Gilles? Oui, toujours, oui. Ça l'avait dans le camion, là. Ben là, on n'a que du bonheur dans le camion. Ah là là. Ah. Bonheur. Il est là, juste à côté, ouais. Les ananas, il est là. Le fruit, il est là. Et Gilles, oui. Est-ce que vous arrivez à vendre vos salades avec les températures, là, qui fait en ce moment? Ben, les gens, ils consomment de la salade parce qu'il fait frais. Un peu moins que d'habitude, c'est vrai, mais les gens, ils consomment quand même. Hein. Ils consomment bien quand même. En plus, il a une variété de salades, là, juste à côté. Comment ça s'appelle, cette variété, là? La reine des glaces. Avez-vous déjà goûté à la reine des glaces? Ah bah non, mais... C'est pas la reine des neiges, hein. Oui, vous nous présentez toujours des trucs différents, hein, donc bah on connaît oui, pas. Bah, la reine des glaces. Bah, il y aura la photo tout à l'heure sur la page Grand Matin, la page bleue de Grand Matin. Et puis Gilles, il a aussi ramené des épinards frais, pays. Hein. Ah, toujours, planter avant Dieu, hein. Je plante, donc je vends. Je plante et je vends, voilà. Ça, c'est le slogan de la journée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et vous partagez votre carreau avec Bertrand? Ah Bertrand, ben oui, c'est un grand ami ça. Oui. Donc, c'est le frère du dimanche forain ça. Alors Bertrand, on va passer avec Bertrand, ça c'est pour le dessert hein, tout à l'heure, ou même pour vos jus de fruits frais du matin, les green check, les smoothies. Il y a quoi ce matin Bertrand? Bonjour. Bonjour, ben il y a les mandarines, les tangos, ben il n'y a que du bonheur, là, les ananas, les bananes. Ça les doux ça ou pas? Ah, le bonheur rien que ça les sucrés. Okay. On m'a entendu à Ocosé, là, avec Gilles, où t'es dit qu'il y avait beaucoup de vent à Saint-André, et ça pose problème pour les laitchis et les mangues. Eh non, mais comme partout, hein, un petit inconvénient, hein. Après, on va bien voir comment ils tournent, hein. Mais la saison risque d'être tardée ou pas? Non, on aura toujours. On a un peu la chance, mais on a un peu la grue, tu vois. Bah, c'est 20 petits poissons de paix, comment, moi. Donc là, on parle de laitchis et de mangues, hein, qui vont arriver un peu plus tard, hein, du coup, sur le marché à cause du vent. Bon allez, on va prendre un café. Allez-y. Avec Jean-Luc là-bas, qui a ramené des galettes et des crêpes sucrées. Et puis, on vous rejoint tout à l'heure. Bonjour monsieur, vous êtes le premier à arriver sur le marché. Comment ça va? Vous êtes en direct sur Réunion Première. Ouais, ça va ouais, un petit ça coucou va. À la Réunion. Ah ben, du coup, à la Réunion. Ah ben, voilà. Bonne sur la route. Ben. Nous sommes surtout. L'autre côté pas là-bas. On va vous laisser faire votre marché. Merci l'autre monsieur, côté par là-bas. Bon courage. Il habite l'autre côté, l'autre par, côté là-bas. Par là-bas. C'est une belle ville, hein, l'autre côté merci par là-bas. Merci Prisca, tout à l'heure. Ouais, c'est assez sympa. Ouais. Allez, bye-bye. À tout à l'heure. 6h20. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Attention, cette petite information routière d'Yves Gruyer qui nous signale que les travaux de nuit, les travaux d'enrobé du côté de Saint-Benoît, eh bien, ne sont pas terminés. Donc, du coup, pour accéder à la 4 voies, il y a toujours la déviation qui est mise en place. Et du coup, ça risque de coincer un petit peu tout à l'heure. Donc, prenez vos précautions dans le secteur des travaux de nuit, travaux d'enrobé qui ne sont pas terminés du côté de Saint-Benoît. Donc, c'est pas une petite information, hein, pour le coup, là. C'est ça même l'information. Ça peut causer quelques problèmes. Information en direct sur les routes, ça sera avec Yves juste après 6h et votre journal. Mais d'abord, même. On va jouer. Eh ben évidemment. Et on accueille DJ Fou. Hello. Salut DJ Fou. Bon, vous inquiétez pas, il répond pas, il parle pas lui. Hein. Il fait que de mixer, c'est que ça son truc. En même temps, hein. On lui demande pas grand chose. Non. Déjà qu'il fait pas grand chose. C'est ça. Le mix de ce matin, ce sont deux artistes à nouveau. Il va falloir trouver leur nom ou c'est peut-être ça. Juste les titres. Oui, de ce et qu'ils chantent. Vous repartez avec vos invitations pour ce concert Enfants Illois. Ce sera le 7 octobre au Petit Stade de l'Est. Désiré François, Cassia Lindigo, 3 heures de spectacle. Tout le monde sur cette scène. Et vous? Eh ben oui, et le public. Peut-être vous. 99, 2000, maintenant. Eh ben oui, les toutes premières places, elles tombent ici sur Réunion Première pour ce concert événement. Vous faites comme hier. Valérie, qui l'a emporté, qui est repartie avec ses deux invitations au concert. Vous appelez le 02 62 99 2000. Voici le mix de ce matin, DJ Fou. Allez hop, envoie. Trop dur. Ah oui, c'est facile ça. C'est trop dur, dis donc. Voix aisément reconnaissable. Oui, bon ça va. Bon, elle est vieille, n'importe quoi. Alors, nous dit nos techniciens, aller chercher dans la cinquantaine. Oui, c'est la cinquantaine. Hein. Ah oui. Un petit peu plus jeune pour celle-là, alors. Elle est plus jeune, mais on vient de l'écouter en plus. Eh, hey, DJ Fou. Oh, c'est trop dur. Trop facile, trop facile. Dis donc, ça clignote dans tous les sens. 0262 99 2000. Allez hop, au standard, on est parti. Allez. Bonjour. Bonjour à vous. À qui avons-nous l'honneur ce matin? Aurélie. Ça va Aurélie? De quel côté? Alors, rue de Saint-Paul, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Aurélie, dans les Hauts-de-Saint-Paul, qui descend en voiture actuellement? Oui, vers le samedi, premier jour de rentrée. Ah, premier jour de rentrée, donc ça veut dire université peut-être? Un BTS. BTS quoi? Un BTS, assistant manager. Assistant manager. Bon, eh ben écoute. Ça casse un peu la tête, ça, assistant manager. C'est vrai, Isa, c'est vrai. Et donc, première année? Oui, la première année. Eh ben, ça y est, c'est parti. En avant, la rentrée. Pas trop dur ce matin? Non, pas trop dur, ça va motiver de bonne humeur. C'est l'excitation du début, ça, on est content. Oui. Et puis au deuxième jour, on commence à être moins content. On est cuit. Puis au bout de 15 jours, on n'a plus envie d'aller. Comment, Aurélie? On verra bien pour les autres matins. Bah oui, c'est clair. Aurélie? Oui. Quels sont les deux artistes que l'on vient de vous passer? Oh là, j'ai pas entendu. Non. Ah, en fait, elle appelle sans entendre. Bon, DJ Fou, renvoie la sauce. Allez, c'est parti, on écoute. Ça, c'est très simple. La voix, tout le monde la connaît. Hein. L'Isla Bonita. Alors, c'est pas la L'Isla Bonita, mais c'est qui l'artiste? C'est qui chante? Oula, Madonna. Madonna. Bien. Et la deuxième? Facile. La petite. Stéphanie Tarzan? Non, c'est la présentatrice météo sur Réunion Première. Voilà, c'est gagné, ma chère Aurélie. Eh bien, bravo, vous repartez avec vos deux invitations pour ce concert Enfants Illois. Ce sera au mois d'octobre au petit stade de l'Est avec sur scène Cassia et l'Indigo. C'est pour vous. Voilà, Aurélie. Ce sera pour mes parents. C'est parfait. Bisous. Bisous, bon courage pour la rentrée. Bon réveil. Merci et bonne journée. Allez, bonne bye journée, bye. Bonne route. Première. 5h53 dans toute la Réunion, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Robert Sébastien. Monsieur Robert Sébastien, fils du facteur de la Plaine des Palmistes, le décès survenu hier à l'âge de 24 ans. Le convoi mortuaire sortira du domicile au 27 rue Bertin Robert à la Plaine des Palmistes aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Agathe à la Plaine des Palmistes à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de la Plaine des Palmistes. Décès de Madame Hassani Gladys Lucienne Sylvie née Bertrini. Madame Hassani Gladys Lucienne Sylvie née Bertrini. Le décès est survenu hier à l'âge de 80 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 3 rue des Poivriers, cité scolaire à Saint-Benoît. Aujourd'hui, à 14h15, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Monsieur Técher Jacques Philippe. Monsieur Técher, Jacques Philippe, originaire de l'Entre-deux, retraité de la Sécurité sociale. Le décès est survenu dimanche à l'âge de 66 ans. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui du centre funéraire de Prima. La crémation aura lieu au cimetière de l'Est. L'heure sera précisée ultérieurement. Décès de Monsieur Lérivain Edmond. Monsieur Lérivain Edmond, le décès survenu hier à l'âge de 95 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 12 rue Maurice Thorez à la rivière des Galets au port. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Francôme Marie Léonie Antoinette. Madame Francôme Marie Léonie Antoinette, plus connue sous le nom de Madame Guy ou de Antoinette. Le décès survenu dimanche à l'âge de 81 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au 43 chemin Bout de Cap à Langevin. Aujourd'hui, la bénédiction aura lieu en l'église de Langevin à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Vincent Dau. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Mickaël, des infos pratiques. Mickaël. Bah oui, avec le micro, voilà, c'est beaucoup mieux avec des coupures d'eau à prévoir sur le secteur de Petite-Île, rue de l'ancienne usine et les rues adjacentes, rue Joseph Lacard, chemin Bambou et chemin Chiendent. Donc la remise en eau se fera des achèvements des travaux. Coupure d'électricité aussi prévue aujourd'hui sur la plaine des Palmistes de 9h à 13h, allée des Géraniums, rue de la République, Edmond Rostand, allée Carpaille, rue Duro, impasse Jolicoeur, rue Louis-Raphaël Maillot, impasse des Frangipaniers, rue des Songes, Émilie Ritou. Chou, impasse des Dahlias, des Romarins, rue des Eucalyptus, Roger Murat et Baptiste Desgouteaux. À Saint-Denis, de 8h15 à 15h, route du Bois de Nèfle, chemin des Papayes, des Fandamanes, route du Piton, chemin des Palmistes, route des Ananas, rue des Técomas, allée des Lianes Poc-Poc, rond-point des Manguiers, rue Georges-François du Jardin et chemin des Manguiers. Puis enfin à Saint-Pierre, de 8h30 à midi, route de la ligne Paradis, chemin Angela Davis, allée des Lilas, Steve Bico, rue Harry Payette, impasse des Pivoines, chemin Stéphane Rebecca, chemin Nassibou, impasse Sosten, chemin Raphaël, rue Alain Peters, rue Benoît de Boulard, chemin Quinton, impasse des Lotus, allée Rico Carpa et impasse Lucien Coulaba. Ça aurait fait plaisir à Florent Marot s'il avait été là, hein, parce que c'est l'instant Florent Marot avant 6h, ah oui. Hein, vous savez. Hein, on salue Florent et on lui souhaite un bon retour parmi nous dès qu'il pourra revenir. Ma chère Isa. Ah oui, c'est le moment où la musique bouge là. C'est le moment où on va bouger. Ah avec oui. Metal Sand, Léa Femme qui tue. Aïe, aïe, aïe. On connaît Florent Marot, tout craché. C'est pour toi, Florent. Voilà. Où que sois actuellement, si tu nous écoutes. Bienvenue à La Réunion, bon réveil. J'espère que vous avez bien bougé, vous aussi, dans votre voiture ou chez vous, peut-être dans votre lit. Les Metal Sand sur Première. Excellent réveil à tous. Il est 6h. Le journal présenté par Stéphane Hennie-Lorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Une voiture, une électrice, de l'argent liquide et un enregistrement sonore. Une recette qui risque de coûter cher à Maurice Gironcel. Le maire de Sainte-Suzanne, accusé d'avoir tenté d'acheter des voix lors des municipales de 2014, sera fixé aujourd'hui sur son sort. Pendant ce temps, à moins d'un an des prochaines législatives, Jean-Jacques Vlodi, candidat à sa propre succession. Le député socialiste l'a dit hier soir sur Réunion Première. Le métier d'opticien lunetier, un métier d'avenir, des dizaines de réunionnais diplômés lors des 5 dernières années, et ça va continuer. Certains d'entre eux nous parlent de leur choix à la fin de ce journal. Et c'est donc aujourd'hui que Maurice Gironcel doit être fixé sur son sort. Le maire de Sainte-Suzanne est accusé, on vous le rappelle, d'avoir tenté d'acheter des voix lors des élections municipales de mars 2014. Lors du procès qui s'est tenu le mois dernier, le parquet avait requis à son encontre 6 mois de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité. Maurice Gironcel dénonce un coup monté, ça y ressemble, concède l'accusation, et qui estime toutefois que l'affaire a permis de mettre au jour des pratiques pas très claires. Elle rappelle des fait avec Antoine Garnier. C'est à l'intérieur d'une voiture stationnée sur un parking public que Maurice Gironcel rencontre Lolita Sautron. La mère de famille lui a fait savoir qu'elle avait besoin d'aide en urgence. Elle raconte alors sa détresse financière à l'élu qui lui conseille d'abord de s'adresser au CCAS. Puis, pris par les sentiments, dit-il, il sort 100 euros de sa poche et 40 euros de bon d'essence. Cet échange avec le maire, Lolita Sautron l'enregistre à l'aide de son téléphone portable. Et quelques jours plus tard, l'enregistrement atterrit sur le bureau des gendarmes. Maître Rémi Boniface, l'avocat de la Défense, y voit un piège tendu à son client. En charge de l'accusation, le procureur Éric Tuféry reconnaît que cette affaire peut cacher une vengeance politique. Mais c'est comme ça que ça marche, les lanceurs d'alerte, commente le magistrat convaincu de la culpabilité de Maurice Gironcel. Lors de sa rencontre avec Lolita Sautron, le maire de Sainte-Suzanne, candidat à sa réélection le lendemain, n'a donné aucune consigne de vote. Qu'importe, selon le parquet, l'argent dont elle a bénéficié en dehors de toute procédure légale pouvait suffire à influencer son choix. Antoine Garnier, même en cas de relax, Maurice Gironcel n'en aura pas forcément fini avec la justice. Le maire de Sainte-Suzanne est cité dans une autre affaire de fraude électorale présumée, un dossier qui concerne le dernier scrutin des élections européennes à Sainte-Suzanne. Autre verdict attendu aujourd'hui, ça se passe cette fois-ci aux assises et ça concerne le procès d'un homme accusé de viol en 2014 à l'Étang Salé. Hier, l'accusé a reconnu avoir abusé de sa femme, mais pas de sa nièce et de sa fille. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Retour à la politique et aux élections avec Jean-Jacques Vlaudy, l'invité de Devant la Réunion hier soir. Le député socialiste a confirmé qu'il était candidat à un nouveau mandat dans la 3e circonscription. Circonscription où il avait été élu contre André Tianakoun en 2012. Le député qui n'a pas caché non plus son ambition pour la mairie du Tampon. D'où ce lapsus à propos du mandat parlementaire qui va de 2017 à 2022, alors que les élections municipales se dérouleront en 2020. Les emplois d'avenir ont fait reculer le chômage des jeunes de 8 points. La rémunération des stagiaires dans la fonction publique, c'est l'amendement que j'ai défendu sur la réforme des stages. J'ai démontré dans mon travail que j'agis pour la Réunion et que j'agis pour le bien-être de mon territoire. Et j'ai bien sûr envie de porter sur 2017-2020 la voix des socialistes dans la 3e circonscription. Vous j'ai envie d'aller au 2020, combat. 2020, c'est un lapsus révélateur. Vous êtes candidat pour votre propre succession au mandat de député et puis vous lâcheriez pour les municipales. Il faut d'abord faire chaque chose en son temps et étape par étape. Sachez simplement, effectivement, pour répondre très simplement à votre question, je serai candidat à ma succession, si on peut parler ainsi, en tout cas pour un nouveau mandat auprès des électeurs de la 3e circonscription. Jean-Jacques Vlaudy, interrogé par Gaël Le Dantec et André Tianakoun, et qui va peut-être quant à lui pouvoir commenter les ambitions municipales du député socialiste dès 7h15 sur Réunion Première. Le maire du Tampon sera l'invité de Philippe Dornier. Il sera question d'éclipse. On va y revenir à la fin de ce journal. De pénurie d'eau dans les élevages, de fièvre afteuse et même de crise requin. A signalé d'ailleurs après l'attaque de samedi, une femelle bulldog aurait été prélevée hier soir à proximité de Boucan. Selon l'association Océan Prévention Réunion, le dispositif de post-attaque est toujours en vigueur, avec notamment aujourd'hui un survol de la zone à l'intérieur des filets par un drone. Le métier d'opticien lunetier, un métier qui voit l'avenir en rose. 120 diplômés en 5 ans, alors que l'accord cadre signé en 2012 en prévoyait une vingtaine de moins. Hier matin, une dizaine de jeunes sont allés récupérer le leur. Ça se passait au Moka, dans les hauteurs de Saint-Denis, en présence des partenaires dont la région. Au cours de cette cérémonie, 28 autres jeunes ont signé leur contrat d'apprentissage. Pourquoi ont-ils choisi l'optique? La réponse de 4 d'entre eux. C'est un domaine intéressant où on touche plusieurs activités, autant la santé, mais la communication, et c'est un domaine d'avenir. Je trouve que c'est un métier vraiment complet, et puis aussi il y avait un marché très demandeur par rapport au nombre d'opticiens à La Réunion, des opticiens formés localement, et puis il y a énormément de problèmes d'optique à La Réunion, notamment à cause du fort taux de diabète, et puis il y a des gens qui développent d'autres maladies comme la kératocone ou autres maladies comme ça. Du coup ça m'a intéressé. Alors moi j'ai choisi ce métier parce que tout d'abord la vision c'est un aspect très importante, si ce n'est pas essentielle dans la vie d'une personne. Et surtout, moi j'aime bien cette double compétence, donc vente et technicité, donc, qu'il y a dans ce métier, et cette formation qui est juste incroyable, parce qu'elle est incroyable, tout simplement. Des propos recueillis par Jean-Paul Mélade. Et le métier d'opticien lunetier qui va embaucher en CDI pour quelques années encore, un nouvel accord cadre de formation doit être signé dans les prochains mois. J-2 avant l'éclipse annulaire de soleil. On vous parlait à 5h du village dédié qui sera installé à l'étang du Gol. Mais il n'y a pas que dans le sud que l'on observera le phénomène. D'autres spots s'organisent, même à des endroits où la lune sera un peu moins au centre du soleil. À Saint-Paul, par exemple, une quinzaine de jeunes astronomes amateurs de l'Hexagone décrypteront l'éclipse à ceux qui viendront les rejoindre sur le front de mer. Le fruit d'un partenariat entre le lycée de Vaison, la Romaine dans le Var, et celui de Sainte-Anne. Le projet va leur permettre d'utiliser du matériel de passionnés, mais aussi Bruce Régent, d'en faire profiter quelques réunionnais. Ils sont venus juste pour une semaine, mais pas les mains vides. Il fallait bien offrir des navettes provençales et un peu d'huile d'olive à leur hôte, le maire de Saint-Benoît. C'est Byzance, là. Il y a des produits très représentatifs. Pour Baptiste et les 14 autres astronomes en herbe de Provence, la première pression, c'est de ramener intact leurs 15 000 euros d'équipement. Oui, on a beaucoup de matériel, notamment des appareils photo et des caméras CCD, des caméras spécialisées pour l'astronomie qu'on colle derrière les télescopes. Jeudi, sur le débarcadère de Saint-Paul, ces télescopes seront entre guillemets prêtés au public. On aura plusieurs instruments, ce qui permettra de faire tourner plus de monde à la fois. Mais sous surveillance, car ce sont bien sûr les outils les plus précieux pour Frédéric Charfy, chargé d'implantation du futur observatoire de Vaison-la-Romaine. On a amené trois télescopes, dont la lunette à Chalfa, l'une des plus grosses lunettes amateurs qu'on puisse transporter. Très fragile. Les utilisateurs seront donc aussi observés que le Soleil et la Lune. On sera deux par télescope. Et les autres seront avec les gens pour un peu leur expliquer ce qui se passe, pourquoi on voit des taches, pourquoi on voit des genres d'arcs de cercle sur le soleil. Pas de raison alors qu'il y ait un pépin et un passage de la pression à un certain froid. Le tube, juste 11 000 euros. Juste 11 000 euros. Un reportage signé Bruce Régent. C'est la fin de cette édition. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec Anne-Charlotte Costabadi de France Info. Les producteurs de lait toujours mobilisés cette nuit sur des sites de Lactalis. Ils veulent maintenir la pression avant la reprise des négociations sur le prix d'achat du lait dans la qui devrait avoir lieu donc dans la matinée. Les actions avaient commencé hier avec également du tractage et des retraits de produits Lactalis des rayons de certains supermarchés. La majorité socialiste n'a pas épargné Nicolas Sarkozy. Hier, le chef du gouvernement Manuel Valls, une douzaine de ministres ainsi qu'un millier de militants étaient réunis près de Toulouse à Colomiers pour la rentrée politique. Attaque donc envers la droite et l'ancien chef de l'État qui est, selon Manuel Valls, une menace considérable avec un programme brutal. Un homme de 29 ans tué par balle en Guadeloupe, c'était la nuit dernière au moule à côté de Grande-Terre. Cet originaire d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis était connu pour des affaires de stupéfiants. Il a succombé à ses blessures. Un homme national sera bien rendu à Nice pour les victimes de l'attentat du 14 juillet. Les associations de victimes de l'attaque étaient reçues par François Hollande hier à l'Élysée. Il a accédé à une demande de plusieurs semaines. Reste à déterminer la date de cet hommage national. Une nouvelle journée de deuil national aujourd'hui en Italie. Les obsèques de plusieurs dizaines de victimes du séisme la semaine dernière se tiendront à Amatrice. C'est la commune la plus touchée dans le centre de la péninsule. Le séisme a fait près de 300 victimes. En mer Méditerranée, ce chiffre record, 6500 migrants sauvés en une journée par les gardes-côtes italiens dans donc la journée d'hier. Il était accusé de revente illégale de billets pour les Jeux Olympiques de Rio. Patrick Hickey, le président du comité olympique irlandais, a été libéré de prison par la justice de l'État de Rio. À 71 ans, il souffrirait de soucis de santé. En revanche, il n'a pas le droit de quitter le territoire brésilien d'ici son procès. Une amende qui pourrait se régler à coups de milliards pour Apple. La Commission européenne va décider aujourd'hui du sort de la célèbre entreprise américaine d'informatique, soupçonnée d'avoir reçu des avantages fiscaux de la part de l'Irlande. L'Olympique de Marseille devient américain. Le club de football phocéen est repris par l'entrepreneur Frank McCourt. C'est l'ancien propriétaire du club de baseball des Dodgers de Los Angeles. En revanche, aucun montant de rachat n'a été divulgué. À l'US Open de tennis, Gaël Monfils-Benoît Benoît Paire, Lucas Pouille et Joe Wilfried Tsonga ont réussi à passer le premier tour. En revanche, c'est fini pour 7 Français, dont Richard Gasquet, Julien Beneteau et Alizé Cornet. C'était un géant de la comédie américaine. L'acteur américain Gene Wilder est mort ce lundi à l'âge de 83 ans. Il était particulièrement connu pour son rôle de Willy Wonka dans le film Charlie et la chocolaterie de 1971. Également la mort du chanteur Juan Gabriel, icône de la chanson de variété latino. Il est décédé dimanche à 66 ans d'une crise cardiaque. Bon mardi et bon réveil, 6h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, le soleil va réchauffer les cœurs. Ah oui, quelle poésie dans cette météo. Oui, le soleil va revenir de Saint-Denis à Saint-Pierre. Il sera bien plus présent qu'hier. Alors que de l'autre côté, à l'est et sur le sud sauvage, on pourrait avoir quelques nuages qui joueront les troubles fêtes avec quelques ondées passagères. Mais normalement, la situation va s'améliorer dans le courant de la matinée. Puis progressivement, le temps va devenir plus nuageux quand même dans les cirques et sur le relief avec quelques précipitations, notamment sur les hauts du nord-ouest entre le port et Saint-Paul. Cette couche nuageuse va avoir tendance à s'étaler sur le littoral de ces régions, entre le port et Saint-Paul. Mais enfin, normalement, il n'y aura pas beaucoup de gouttes sous ces nuages. Ailleurs, alternance de passages nuageux et d'éclaircies, certainement moins d'éclaircies sur le flanc est du volcan et notamment la région de Saint-Joseph. Partout ailleurs, l'impression de beau temps va être un peu plus présente qu'hier avec du vent qui sera toujours présent, mais avec un degré moindre quand même, hein, des rafales qui atteindront 65-70 km/h entre l'étang Salé et Saint-Joseph et entre Saint-Benoît et Saint-Denis. Toujours la houle présente, une houle qui s'amortit et qui ne va attendre que 2 mètres dans le courant de la journée, c'est quand même pas mal sur les côtes ouest et sud, donc prudence à nouveau, mais la houle diminue. Les températures ce matin fraîcheur, matinale, 3 à 11 degrés seulement, 11 par exemple du côté de l'entre-deux, ça c'est sur les hauts, et 17 à 19 sur le littoral, 17 par exemple à Saint-Leu. Et puis cet après-midi, on ira jusqu'à 26 degrés à Saint-Gilles. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Yves Gruyère nous attend du côté de la Possession. Et Yves, les travaux ne sont toujours pas finis du côté de Saint-Benoît. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour, bonjour Mickaël. Du côté de Saint-Benoît, il y a des ralentissements. Attention, pour traverser le centre-ville de Rivière-des-Roches. Côté Saint-Benoît, avant de reprendre le giratoire qui remonte vers le chemin de Fursy-Pitou pour retrouver la 4 voies. Au niveau de l'échangeur Beauvallon, c'est fermé uniquement dans le sens Saint-Benoît vers Saint-Denis, puisque dans l'autre sens, il y avait également des travaux, mais là, c'est ouvert, hein, dans le sens du nord vers l'est. Donc là, il y a pas de problème, sauf que vous arrivez sur une zone de rabotage. Là, comme c'est le tapis final et qu'il faut faire la peinture définitive, il y a un peu de retard à l'image. Hein, donc ça fait un peu plus d'une heure et quart maintenant de retard. Le chantier devait s'achever à 5 heures. Voilà, donc... Encore un peu de patience, et notamment pour ceux qui sont pris dans les embouteillages de la RN 2002. Côté Saint-Denis, ça se passe plutôt bien. Les travaux de Saint-François se sont réalisés. La première nuit, il y a 4 nuits de travaux, 1 km à la fois de rabotage et de mise en service et de mise en œuvre d'un enrobé qui va aller jusqu'au boulevard de la Providence. Ça a commencé au niveau de la petite centrale électrique au kilomètre 1. Donc il y a 1 km d'enrobé à faire toutes les nuits de cette semaine. Ça roule encore correctement sur la corniche et des ralentissements sous la tranchée couverte de Saint-Paul en ce moment. Voilà pour le début des embouteillages. Attention, très bonne route. Merci Yves. Allez, comme tous les quarts d'heure, on vous retrouve sur la route. Dès que vous avez une info, vous n'hésitez pas à nous l'envoyer sur le 06 92 70 2000. Ce matin, on se réveille avec vos petits déjeuners que vous nous envoyez en photo sur la page Facebook Grand Matin, GRN apostrophe matin juste derrière. Et vous likez aussi la page, hein, c'est important. Et c'est important d'envoyer sa photo de petit déjeuner pour gagner des cadeaux. 2 invitations pour aller au cinéma avant 8h, mais surtout en fin de semaine. Eh bien, ce tirage au sort, vous repartirez. Eh bien, pour une croisière pour 2 personnes, 3 heures sur un catamaran. Ça, c'est chouette. Ah oui. Oh là là là là. C'est vraiment, vraiment un beau cadeau. Croisière et découverte pour vous. Mais dès ce matin, le meilleur d'entre vous, celui qu'on aura sélectionné sur Facebook, repartira avec ses places de cinéma pour aller voir Agent Presque Secret avec Dwayne Johnson. Alors faites comme Aglaé, faites comme Lily qui a envoyé son mug hier avec même Grand Matin tout autour. Ça, c'était vraiment sympa. Oh, c'était mignon, ça. Vraiment sympa, qui entourait le mug. Et puis coucou à ceux qui sont sur Facebook. Ah bah oui, comme Jessica qui fait la route avec nous, comme Jean-Bernard, comme Daisy ou encore Ray. Vous n'hésitez pas, petit déjeuner, une photo sur Facebook à la clé des cadeaux, rien que pour vous. Allez, on vous met 20 euros dans votre porte-monnaie dans un instant avec Espace Fraîcheur. suffit d'appeler le 99 2000. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, ben juste après Yannick Noah, on court sur Première. On court, on dort, on court, on se réveille. Le temps court encore, on est à court de sommeil. On court, on bosse, on court après le train. On court comme des gosses, on sait plus où est le frein. On court, on vit, on court, on est mort. On dit stop, c'est fini. Le temps court encore. On court après l'amour, après la prochaine rencontre. On court comme des gamins, on sait plus où est le frein. Venez, on s'arrête et on ferme les yeux. On contemple la mer, on contemple les cieux. Venez, on s'arrête, on marche dans l'autre sens. On revient sur nos pas, on s'arrête et on danse. Et puis on court, le temps c'est de l'argent, on en manque, on est à court. On court après le nombre, on court sur nos chemins. On avance comme des ombres, on ne sait plus où est le frein. On court avec ou sans but, pour éviter la chute. Même si on court pour rien, on ne sait plus où est le frein. Venez, on s'arrête et on ferme les yeux. On contemple la mer, on contemple les cieux. Venez, on s'arrête, on marche dans notre sens. On revient sur nos pas, on s'arrête et on danse. Hey! Et on court, vous, avec nous. Avec Yannick Noah. Non, je cours pas, moi, ça fait vers trop. Votre réveil. Bah si, faut courir pour se réveiller un petit peu là, pour se redynamiser. Tu cours. Le corps. Ouais, je cours rien du tout, je suis assis. Comme vous peut-être dans votre voiture. Ah, la paresse. Et, bah oui, je peux pas faire autrement en même temps. Oh, c'est clair. Ma chère Isa. Bon, allez, on vous fait gagner vos 20 euros. Ça y est. Eh oui, espace fraîcheur, donc 20 euros de bon d'achat. Ça se passe maintenant au 02 62 99 2000. Bonne chance. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunie Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez couru vers le téléphone. Hein, ah oui, parce que vous étiez nombreux. Ça, c'est clair. Au standard, nous appelait au 99 2000. Le standard, il ressemble à un sapin de Noël. C'est un peu partout. Ça. Avec plein de couleurs, en oui, plus, dans le sapin. Vert. Alors, rouge. On va où? On va là? Tiens, appuie là. Ici, j'appuie? Ouais, là. Allez, j'appuie, Sainte-Clotilde. Ouais, il y a Reine-Marie. Reine-Marie. Coucou, Reine-Marie. Allô, oui, bonjour. Ça va, Reine-Marie? Ça va. Bah, ça s'entend pas très bien, hein, que ça va, Reine-Marie. Dis-nous les mafs. Un peu. Allô? Oui. Oui, Reine-Marie, ça s'entend pas très bien que vous êtes en forme. Ah, ah, bah voilà, ah, on oui. préfère ça, Reine-Marie, quand non. même. Comment dans ça la bonne va humeur. Ce matin? Ça va très bien. On emmène les enfants à l'école. Oh, oui. Il y a combien de marmailles? Trois marmailles, ils ont quel âge? Ben, 13, 14 et 5 ans. Eh ben, vous allez pouvoir leur faire de bons petits plats parce qu'on vous offre 20 euros à valoir chez Espace Fraîcheur. 20 euros de fruits et légumes. Exactement, bah oui. C'est pour vous, Reine-Marie. D'accord. On va acheter ça qu'on veut avec. D'accord. Les bons? Oui. Allez, bon. Gros bisous, bisous, ma chérie. Marie. Je vous remercie. Bonne journée. Nous, à bientôt. Revenez quand vous voulez. Reine-Marie. Reine-Marie qui bosse pas, mais qui a du boulot quand même. Ah bah, avec trois enfants, il peut dire où que c'est un vrai c'est travail clair. À plein temps. Hein. Allez, on file sur le marché de beau séjour. Exactement, dans un instant avec Prisca. Galettes et crêpes sucrées au programme. Délicieux. Et fin. Isnel, lumière dans Grand Matin. Bon réveil. Ne pas s'égarer, faut déployer ses ailes. Ne peut détruire les séquelles. S'emparer de la force éternelle. Pour l'escorte essentielle, rêve qui viendra frapper à ma porte. C'est comme une lumière qui se rapproche. S'entarder, s'évader, le monde de ses aléas. min laisse à ou garder. A ou même gay fait mot la dire. Fin moi d'aller rapazir. Non ça va toujours aller. Gaïa oui nous veoua. Fait clair dans nous l'espoir. L'esprit fin basade ou laisse la pensée profaner. Y'a envie de croire. Si n'est la force à son égard. Doit et le mal et la victoire. Pour la sens il s'est un regard. Amen à moi ou ça la soirée ça maille. Poli et vadeo. Alors il a pas peur affronte le mal. S'il si est capable, continuez bataille. Ne pas s'égarer. Faut déployer ses ailes. Ne peut détruire les séquelles. S'emparer de la force éternelle. On laisse quand essentiel. Rien qui viendra frapper à ma porte. Sur comme une lumière qui se rapproche. S'entarder, séparer. Le mal de ses aléas. La foi jusqu'au dernier. Reflète la parole, un guerrier garde. La ville en a un délai. Tout ça jusqu'à temps va plier pas. Mi prix, mi débat. N'a l'écrit pour faire ressentir, mi évade. N'a l'air que mi n'a l'offre les bouteilles, mi debout. Évite le victime, mi vémon, mi étale. Massé, oui, va massé. Massé vers son étoile. Assé, est-ce qu'elle n'a assé. Le vent poli dans son toile. Clair, c'est ma roue. Saisonne le coup. Avant tout y écoule, alors folie écoute. Éloigne le doute, parce que le temps y écoule. Ne pas s'égarer, faut déployer ses ailes. Ne peut détruire les séquelles. S'emparer de la force éternelle. On laisse quand essentiel, rien qui viendra frapper à ma porte. Sur comme une lumière qui se rapproche. S'entarder, séparer le mal de ses aléas. Ne pas s'égarer. On risque pas de s'égarer, Ismaël. Hein, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, surtout avec mais ta sur musique. Sur la première, là, c'est qu'on bon, aime là. Bien. Lumière sur première dans grand matin jusqu'à 8h. Et on va filer cette fois-ci sur le marché de Beau Séjour. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et avec Laetitia et Christian Prisca, vous êtes oui, actuellement. On continue la tournée du bonheur hein, ce matin. Ah. Et Christian, il veut nous faire manger du piment ce matin. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est très appétissant en tout cas. Bonjour Christian. Bonjour. Alors c'est quoi ce piment là que vous voulez nous faire déguster ce matin au petit-déj? Alors c'est comme le gros piment, c'est du piment confit, ce qu'on appelle confit, et il est légèrement pimenté. C'est mariné dans quoi? Voilà, c'est mariné dans du vinaigre, mm-hmm. herbe de Provence, un petit peu d'ail également. C'est vraiment délicieux. Oh. Voilà, pour tous les amateurs de tous les amateurs réunionnais. Oh, ouais. Ah. Ils veulent pas manger de piment, Michael et Isabelle. Par contre, je suis sûre qu'ils vont prendre, ils vont prendre une poignée de fruits secs. Ça vous dit une poignée de fruits secs? Ah, ça oui, pourquoi bien pas. Bien garder la forme là toute la journée. Je vois qu'il y a des amandes, il y a des noix de macadamia. Est-ce que vous avez déjà goûté aux noix de macadamia? Non. Non, moi, je connais pas. Un petit peu, ouais, quand même. Alors, ce sont des noix qui viennent du Brésil. Mm-hmm. C'est des petites noix rondes. Et c'est légèrement sucré, c'est un apport nutritif qui est extraordinaire, tout comme d'ailleurs les cerneaux de noix, les noix du Brésil, et surtout les noix de pécan, mais surtout les amandes. Oui, on peut manger aussi les noix de macadamia dans les glaces. Oui. Souvent, on en retrouve dans des glaces, ça parfume aussi. Exactement, c'est vraiment délicieux. Et où il y en a un sachet de tamarin là-bas? Voilà, petite note réunionnaise toujours, hein, le tamarin, la banane... Et voilà. Et on va mettre une petite poignée de wasabi là. Oh c'est quoi ça? Ah oui. Ça c'est pour Mika, ça. C'est pour Michael. Bah pourquoi pas? Alors le wasabi, là, ça me rappelle les souvenirs. Pour l'apéro. Alors et c'est extraordinaire. C'est très croquant. Tous ceux qui ont goûté, ils sont totalement accros. Un peu comme le Pokémon, sauf qu'il est vert celui-là. D'accord. Et vous ouais. rendez ça comment, Christian? Bon. Au gramme? 100 grammes, au kilo, à la tonne, enfin ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de... À la tonne on est ouvert à tout. Bon, combien pour vous les amis? Une tonne de wasabi pour Mika? Alors moi je veux bien, Isabelle, mais... Vous avez fait votre choix? Non, macadamia hein, sera bon. Oui, macadamia. Wasabi un peu bonheur là. Et des bananes séchées, il y a quoi? Ah, c'est quoi, sympa aussi ça. Vous montrez quoi là, Christian? Attendez, parce que Christian, il a un mélange à nous proposer. Ça, c'est le mélange énergie avec de la baie de goji qui est extraordinaire pour... on va dire pour tout, franchement, c'est juste un produit miracle. Mmh. Des amandes, bien entendu, et de la mûre blanche pour les amatrices, surtout de silhouettes sveltes et oh, voilà. Prends une tonne. La mûre blanche, la mûre du Japon, c'est Isabelle a précommandé. Mincir. Merci, merci à vous. Bon, on va prendre 100 grammes hein, de mûre blanche. C'est bon, Isa ? Elle a dit une tonne. Elle a dit une tonne. Une tonne direct. Une tonne pour Isa. Voilà, pour les prochaines années. On vous met le wasabi. Ça me rappellera le Japon. Merci, Priska. Rendez-vous tout à l'heure à 8h30 pour votre panier Gary. Ouais. Et ben, le mot de passe, ça va être les noix de macadamia. Noix de macadamia. C'est parti. Voilà. Salut, Priska. Merci, bisous. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et toutes les photos du marché sur la page Facebook de Réunion Première et même sur Grand Matin. Hein. Exactement, on en profite pour faire un bisou à Héloïse de Mafat qui nous dit qu'il fait froid. Ah oui, ah bah oui Héloïse, on essaie de vous réchauffer froid, maintenant chaud, dans Grand Matin. 21 bah oui. Pilots. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. On espère que ça a réveillé Élise. Bise à Groyab aussi, le vent il souffle. Mais c'est normal, on râle la lune devant le soleil. Ce matin, trajet de Saint-Denis à Saint-Pierre. Le jus de Corosol de Rénal aussi sur Facebook. Et puis la petite banane et les petites biscottes de Aglaé. Postez vos photos de petit déjeuner, continuez à le faire. En tout cas, et gagnez peut-être votre croisière en fin de semaine. C'est sur la page Facebook de Grand Matin. Et pour le moment, on va à Ravina Marquet avec Yves. Ça y est, la 4 voies de Saint-Benoît est ouverte bien à la circulation. Ça va se désengorger sur la traversée de Rivière des Roches, la première partie du village de Rivière des Roches, en descendant de la marine de Saint-Benoît, là où la déviation était en place cette nuit. Donc un peu de retard, mais ça y est, c'est ouvert. Vous pouvez circuler normalement jusqu'aux embouteillages et ralentissements. Vous retrouvez après un petit bazar jusqu'à la marine, trafic dense à la marine, un peu plus roulant après, donc pour rejoindre Saint-Denis. Actuellement à l'entrée est, pas de problème. À l'entrée ouest, ça ralentit après la caserne d'Anvers, au niveau du petit rond-point qui se situe juste après cette caserne. Et puis pour la route des Tamarins, eh bien, c'est déjà la sortie du tunnel du Cap Laoussé. Attention, il y a du monde. Il devrait y avoir quand même un peu moins de monde sur la route du littoral par rapport à hier matin. Hier matin, c'est un riverain commerçant qui, mécontent, avait bloqué le pont de la rivière Saint-Denis, le pont de la Délivrance. C'est pour ça que ça a été un peu galère à l'entrée ouest du chef-lieu hier, en début de matinée. Voilà, en ce qui concerne le trafic ailleurs, c'est encore à peu près roulant. Très bonne route. On parlera de purge sur la route de Grand Tillet ce matin. À tout à l'heure, 6h30 sur la première. C'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Un métier qui recrute et des jeunes formés à La Réunion. Zoom ce matin sur les opticiens lunetiers. Une nouvelle promotion vient d'obtenir son diplôme. De nouveaux contrats d'apprentissage viennent également d'être signés. Le témoignage de Bertrand Babeuf samedi. Il a secouru le surfeur attaqué par un requin à Boucan. Lui aussi s'est blessé. Il trouve son métier dangereux. Nous l'entendrons. Aux assises, un accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle. L'homme a reconnu avoir violé sa femme qui avait fait un malaise. Il est également poursuivi pour viol et attouchement sur des enfants. Et puis nous parlerons de l'éclipse, où l'observer depuis Saint-Louis, et fera-t-il beau jeudi ? Réponse à la fin de ce journal. On parle beaucoup des lunettes pour l'éclipse de jeudi, des lunettes spéciales qui protégeront vos yeux lorsque vous regarderez le soleil disparaître caché par la lune. Eux aussi ont choisi de faire des lunettes leur métier. Depuis 2012, on forme des professionnels à La Réunion pour travailler chez les opticiens. Hier, 28 contrats d'apprentissage ont été signés et dans le même temps, 13 lauréats ont reçu leur diplôme. Ingrid a 21 ans, elle vient de terminer sa formation. Jean-Paul Mélade l'a rencontrée. Après un bac S et une première année de médecine, Ingrid Waro s'oriente vers le BTS opticien lunetier en alternant sur 2 ans. Sa formation a commencé en 2014 à Saint-Gilles-Léo. Deux fois par semaine, elle se rendait à l'URMA, l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Au programme, on a des matières générales comme le français et les maths, et puis après les matières à plus gros coefficients, ça va être l'analyse de la vision, l'optique géométrique, l'optique physique, l'étude des systèmes optiques aussi, et puis après les langues, anglais. Le bac S lui a été d'un grand secours. En physique, on voit beaucoup de parties en optique, donc c'est vrai que oui, ça sert. Et puis après, c'est une organisation aussi à prendre, donc ce qu'on commence déjà à voir en terminale pour le bac. Cela dit, il a fallu concilier le travail et les études. C'est vrai que c'est pas facile parce que la journée, quand on sort du boulot, on est fatigué, mais le soir, on doit bosser les cours. Donc le plus souvent, je bossais mes cours sur la journée de repos et puis le week-end, donc le dimanche, parce qu'on travaille le samedi, donc c'est plutôt le dimanche et sur la journée de repos. Et puis le soir, 1 à 2 heures. Être célibataire lui a facilité la vie. Voyons plus loin, la jeune fille a décidé de poursuivre en licence cette année et aborde l'avenir avec sérénité. Pour le moment, on dira, je pense plutôt rester dans le magasin et après, pourquoi pas, créer son propre magasin. Avoir des ambitions. C'est ça. Et on souhaite à Ingrid de ne pas rester célibataire maintenant qu'elle a son diplôme. On reste dans le domaine de la santé avec cette crainte des médecins opposés à la loi santé de Marisol Touraine. Lors des débats sur le texte, ils dénonçaient de nouvelles dispositions qui feront que les données médicales des patients seront consultées par de nombreuses personnes. Ils s'interrogeaient sur le secret médical. Comment être sûr que les données des patients ne seront pas utilisées à des fins commerciales, par exemple? Car les données sont dorénavant informatiques et en réseau. Pour garantir un respect déontologique, le CERTIS a été créé à l'initiative de l'Agence régionale de santé. C'est le comité d'éthique Réunion Technologie de l'information et santé, Daniel Dambreville. Les nouveaux outils numériques vont faciliter le suivi, la coordination des soins, en particulier pour des pathologies chroniques comme le diabète. Mais les données médicales stockées et partagées ne sont pas à l'abri d'usurpation, de piratage. Alors le CERTIS s'est interrogé, comment concilier le besoin d'information des professionnels de santé et le droit du patient à préserver le secret médical? Il existe un arsenal efficace de lois pour protéger la confidentialité et l'intégrité des données médicales, loi informatique et liberté, code de santé publique, serment d'Hippocrate. Mais les membres du CERTIS vont plus loin et recommandent, eux, de garder au cœur du réseau d'échange la relation entre le praticien et son patient, une relation basée sur la confiance. Le médecin informe son patient de l'existence du réseau, des données qui peuvent être transmises, de l'utilité de les transmettre. Le patient, lui, garde la liberté de les partager ou non. Il peut même exiger de les retirer du réseau. Mais pour choisir, le patient doit être bien informé sur les nouveaux outils, portails et plateformes qui doivent aussi garantir une sécurisation maximale des données. C'est une autre recommandation du CERTIS. Daniel Dambreville. Un requin de 3 mètres, une femelle bulldog a été pêchée cette nuit devant Boucan. Un requin de 200 kilos d'après Jean-François Nativel d'Océan Prévention Réunion qui a posté l'information sur le réseau social Facebook. C'est le résultat de la pêche post-attaque lancée par le préfet samedi soir. Le bodyboarder attaqué par le squale est toujours hospitalisé, tout comme le sauveteur qui s'est mis à l'eau pour aller le secourir. Bertrand Babeuf a lui aussi été blessé lors de l'opération de sauvetage, mais il va bien. Il était opéré de la jambe droite hier après-midi à l'hôpital Gabriel Martin. Il a également le front recousu sur une dizaine de centimètres. Sur son lit d'hôpital, il reconnaît son métier est dangereux. Si on compare à un nageur de piscine, oui, c'est pas donné à tout le monde de travailler sur la plage. Malheureusement, aujourd'hui, travailler sur les plages de La Réunion, on a des conditions de vagues, des conditions de houle, du courant. Maintenant, le problème requin, il faut vraiment connaître le milieu, connaître l'endroit pour pouvoir y travailler. C'est un métier dangereux, oui. On se retrouve dans la situation de se mettre en danger pour sauver des jeunes qui font une passion parce qu'ils aiment ça. Et on peut pas leur reprocher ça non plus. C'est comme si vous disiez à quelqu'un de plus courir en montagne parce qu'il y a des chutes de pierres. Il faut trouver un juste milieu dans tout ça et essayer de valoriser un peu notre travail, nous donner le pouvoir justement de pouvoir dire aux jeunes non, là tu ne peux pas, on a le pouvoir d'interdire quoi, voilà. Bertrand Babeuf interrogé par Hubert Debeu. Aux assises, suite ce matin du procès qui a débuté hier après-midi dans le box, un homme poursuivi pour avoir violé sa femme alors qu'elle était inconsciente suite à un malaise. Il a reconnu les faits. En revanche, il réfute avoir commis des attouchements sur sa fille de 4 ans et violé une autre enfant de la famille. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Maître Norman Omarji, l'avocat de l'épouse victime de l'accusé. Exprimer sa souffrance est quelque chose de difficile pour une victime. Parce qu'on a l'impression, sous les questions de la défense, qu'on est à la fois coupable, mais coupable de rien. Il faut qu'on comprenne une chose. Le viol entre époux est une circonstance aggravante et non pas une circonstance atténuante. Certains jurés peuvent estimer qu'un viol entre époux, c'est quelque chose qui peut être anecdotique, qui peut être banal, mais un viol entre époux est quelque chose de très grave. J'expliquerai dans le cadre de ma plaidoirie. C'est que la confiance de l'autre, la confiance de la personne qu'on aime, a été abusée. Et cet abus de confiance se transforme en abus sexuel. Et cet abus sexuel, c'est un viol. Maître Norman Omarji répondait à Nadine Bachelot. Autre affaire qui sera tranchée aujourd'hui, Maurice Gironcel doit être fixé sur son sort dans l'affaire de tentative d'achat de voix lors des élections municipales de mars 2014. Lors du procès le mois dernier, le parquet avait requis 6 mois de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre du maire de Sainte-Suzanne. L'élu est accusé d'avoir tenté d'influencer le vote d'une proche de son adversaire, Daniel Alamelou. Maurice Gironcel dénonce lui un coup monté, décision du tribunal attendue donc aujourd'hui. 6h37 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. On évoquait l'éclipse au début de ce journal. Petite info pratique à noter à 2 jours de l'événement. Le phénomène sera bien visible depuis Saint-Louis. Alors la commune vous invite sur le site de l'étang du Gol à partir de 10h du matin. Comment accéder au site? Que faut-il prévoir pour le jour J? Le détail avec Sophie Persson. Mieux vaut le savoir avant. Pour se rendre à l'étang du Gol, il faudra laisser sa voiture dans les parkings prévus, à l'usine du Gol et derrière la gare routière. Ensuite, direction l'étang en bus. Le village ouvrira ses portes dès 10h du matin. Sur place, des animations musicales, des spectacles de danse indienne et puis surtout des télescopes pour observer l'éclipse. Autour du site, on pourra partir faire des visites touristiques. Certains gîtes et des restaurants proposent des tarifs spéciaux pour l'éclipse. On attend 4000 personnes sur place et parmi elles, il y aura peut-être des élèves de Saint-Louis accompagnés de leurs parents car il y a en effet un préavis de grève dans les écoles, une polémique qui touche d'ailleurs d'autres communes et qui gâche un peu la fête. C'est bien dommage car une éclipse, c'est une belle occasion d'apprendre des choses sur notre système solaire. La prochaine n'aura pas lieu avant environ 200 ans. Gageons que les communes auront le temps de s'organiser d'ici là. Sophie Persson. Et le soleil sera-t-il bien visible ou les nuages gâcheront-ils la fête? Un point sur les prévisions pour la journée de jeudi avec Jacques Cormier de Météo France. Alors pour les 4 prochains jours, on va connaître le même type de temps, c'est-à-dire du vent, de la houle, peu de pluie. Par contre, dans la nuit de mercredi à jeudi, un autre front froid, le 11e, touchera les régions sud. Il sera peu actif, il donnera des pluies sur les régions sud-est et l'est. Mais rapidement, en matinée de jeudi, les conditions vont s'améliorer sur ces régions et on aura globalement un ciel peu nuageux sur la Réunion au cours de l'éclipse de 12h à 14h. Jacques Cormier avec de bonnes nouvelles, interrogé par Jean-Paul Mélade. Et en ce moment, fait bien froid, non? Oui, seulement 3 degrés à la plaine des Cafres. On en parle maintenant. Ciel dégagé avec cette température. Oui, bah heureusement, encore heureux. Tout à l'heure, Cécile, pour les Une de la Presse. 6h40 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Et Michael, du soleil le matin, nuages sur le nord ou sur le nord-ouest l'après-midi. Alors soleil, oui, sauf sur l'est du département et le sud sauvage où on pourrait avoir quelques nuages qui traînent, on le voit derrière nous et qui pourraient perturber l'arrivée du soleil. Le soleil va revenir ensuite et puis cet après-midi, les hauteurs vont s'ennuager, alors surtout celle du nord-ouest entre le port et Saint-Paul. Normalement, on ne devrait pas avoir beaucoup de gouttes hein, sous ces nuages. Globalement, ailleurs sur le littoral, on conservera des éclaircies malgré que sur le flanc est du volcan et le sud du sauvage notamment, on garde quand même un ciel bien gris, bien plombé par les nuages. Température ce matin, 18 degrés par exemple à Saint-Paul, on prend deux villes, celle de Saint-Paul pour commencer, 26 degrés cet après-midi, et puis l'entre-deux, 11 le matin et 20 cet après-midi. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Direction Saint-Paul, c'est là-bas que nous attend Yves Gruyer. Oui Isabelle, sur le front de mer de Saint-Paul, donc j'ai délaissé la chaussée royale et la route digue plutôt encombrée, ça coince sous le tunnel du Cap là où c'est en ce moment, et c'est surtout jusqu'à l'échangeur de Belmen, hein, les gros points noirs. Alors le début c'est également de la route digue, une fois passé le pont de l'étang c'est un peu plus roulant, même Savannah n'est pas complètement saturé, et surtout après ça se libère bien pour passer l'échangeur de Cambay et retrouver le pont de la rivière des Galets, le pont métallique. Ensuite sur la route du littoral, pas encore de problème, les ralentissements sous le tunnel du Cap Bernard cette fois-ci, à l'entrée ouest du chef-lieu, donc moins d'un kilomètre avant le carrefour avec la route de la montagne. Sans regarder expressément, parce qu'on vous demande à la fois de ne pas vous arrêter sur les bandes d'urgence, mais et de regarder, la curiosité, la zourite est toujours en place, elle n'a pas encore posé le pied éléphant, hein, donc elle est toujours en l'air, cette première partie de pile du premier pilier qui sera installé à proximité de l'échangeur de la grande chaloupe. Donc pour le moment c'est pas encore fait, ça va être fait samedi. Donc là, il y a aussi beaucoup de technicité donc à mettre en place. La circulation en provenance de l'Est est encore roulante. Ça coince surtout jusqu'à quasiment Ravine des Chèvres depuis petit bazar aujourd'hui. Attention, mardi, c'est jour de marché. Puis je vous parlais des travaux de purge. Elles se réaliseront tout à l'heure à partir de 8h, 8h30 jusqu'à 16h cet après-midi au maximum avec des coupures de 45 minutes. Ça se passe à la sortie de Maracitron vers le chemin Ibon suite aux deux petits éboulements de talus qui se sont déroulés en fin de semaine dernière. Donc les travaux de purge, attention à ces contraintes sur la route de Grand-Ilette. Merci Yves. 6h42 dans toute la Réunion, mardi 30 août, le soleil se lève et le vent souffle, mais un peu moins. Le soleil finit bien levé sur Saint-Denis et Saint-Pierre. Ouais. Enfin bon, je veux dire que le soleil commence à faire son effet sur le sur le département. Avant 7h, on aura Emery Robert sera avec nous. Alors Emery Robert, c'est qui? Eh bien, c'est un chauffeur de bus. Il a conduit le fameux bus à deux étages, inspiré du bus à impérial londonien. Le fameux bus deux étages. On a mis la main sur le chauffeur. Ben voilà, il nous fera partager son expérience tout à l'heure dans l'appel réveil. 6h50, la une de la presse, comme d'habitude. Et puis vous continuez à envoyer vos photos de petit-déj sur Facebook. Exactement. Pourquoi? Eh bien parce que vous pourrez repartir avec des cadeaux aujourd'hui, des invitations pour aller au cinéma, mais surtout en fin de semaine, tous ceux qui participent, qui envoient leurs photos, eh bien, sont sélectionnés pour ce tirage au sort et à la clé vendredi pour vous, eh bien, votre croisière pendant 3 heures sur un catamaran, excursion en mer valable pour 2 personnes. Oh, c'est pas chouette ça. Croisière de rêve pour vous, temps d'un après-midi. Oui. C'est peut-être ce que vous gagnerez en fin de semaine à condition de poster un maximum de photos avec vos collègues, vos amis, votre petite copine, avec votre chien, avec tout ce que vous voulez, sur cette fameuse page Facebook Grand Matin. Et vous likez la page, hein, GRAN apostrophe matin, c'est le grand défi du petit déjeuner. Exact. D'ici là, c'est Letchi qui revient. Oui, qui va nous parler de ses SMS surtaxés. Vous voyez pas de quoi je parle? Si, si. Envoyez. Écoute, love au 70-80. Écoute. Outbouk la Kitaou, ou Yamali encore, mais on connaît pas s'il y pense encore à où. Envoie désespoir au 99-99-99 et tu sauras la vérité. Quand j'entends ça, je me dis qui est assez couillon pour dépenser 5 euros plus le coût du SMS d'un affaire pareille. Et ben, vu la quantité réclame que Nana Poubène devineur par SMS, il doit avoir un tacon de moon. Et il y a toutes sortes de services de ce genre, chaque situation Nana son devineur par SMS. Ou méfie à haut de bonhomme, ou pense que l'y trompe à haut. Envoie macro, M-A-K-R-O, au 88-88-88. Nos astrologues te diront si l'inéna a notre tantine. Sinon, vérifier ses messages sur son téléphone en misoucle aurait été plus efficace, hein, pas besoin d'un SMS surtaxé. La maternité t'intéresse? Tu veux savoir à quel âge tu auras ton premier enfant? Envoie Marmaille, M-A-R-M-A-Y, au 77-77-77 et tu sauras à quelle date tu accoucheras. Ben ma fille, si vous l'êtes tellement pressée, gagne l'argent à la CAF et ben Z pour forme seule, ou devrait plutôt inscrire à vous sur un site de rencontre avec un bon photo sans soutien-gorge, un instant où trouver un matou pour faire un enfant sans mots. Non mais vraiment, il y a des gens qui croient en ce genre de truc sans rire. Ou imagine devant le maire lors d'un mariage, Mathias, voulez-vous épouser Linda ici présente? Attends monsieur le maire, mais il doit recevoir un SMS pour dire moi si Linda est vraiment le femme de mon vie, quoi. Et pendant ce temps, le pièce montée, il est en train de faner, comme la figure Linda, m'imagine. Après un bug, y croit ou un devineur par SMS, Misrey ou Linda m'y marierait pas avec. Mais Mina a quand même une idée pour Ban Moon y créer ce ban devineur par SMS. Vu le nombre de chômeurs que Nana a à la Réunion, le truc qui marcherait, ce serait envoie travail, T-A-R-V-A-Y, au 66-66-66, et tu découvriras la date à laquelle tu auras ton contrat emploi vers la mairie. 5€ la consultation, plus le coût du SMS, nécessite 7 envois pour une réponse. Ah oui, parce que en plus d'être complètement con, c'est cher. Tu ajoutes à ça ton loto et ton PMU hebdomadaire, ça va pas arranger ton RSA, mon gars. Après, tant que c'est Ghislaine, la coiffeuse de 45 ans, ou Brian, l'ado de 16 ans, qui croit en une affaire pareille, ça me dérange pas. Ce qui me tracasserait vraiment, c'est de découvrir demain matin que des gens importants utilisent les devineurs par SMS. Genre les politiciens, une nouvelle route, une piscine, une bibliothèque. Qu'est-ce qui ferait plaisir à vos administrés ? Envoie grand projet au 55 55 55. Nos astrologues te diront quels travaux te permettront de gagner les prochaines élections. Alors dans ce cas-là, moi aussi m'y rends devineur, hein, parce que le chemin devant mon casque a besoin d'être réparé vu la quantité de trous nana dedans. Peut-être que ça pourrait servir, remarque. Hein. Le Litchi, deux embrocal quotidien, 6h46 dans toute la Réunion. On revient. À tout de suite. Allô. Oui, ni hao. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Ah, ni xiang xue hanyu, mei wenti, pas de problème. Débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, l'Institut Confucius vous propose dès la rentrée de septembre des cours de chinois à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plus de détails sur confucius.univ-reunion.fr. Le chinois, c'est très facile. L'Institut Confucius vous attend. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Le Pandathlon, c'est une marche pour la Réunion, pour la planète, organisée par le WWF France et la région Réunion. Le Pandathlon, c'est allier sport, convivialité et le respect de la nature. Alors, allons marcher ensemble pour préserver notre patrimoine naturel. En tant qu'ambassadrice de la nature réunionnaise, je soutiens cet événement qui participe à promouvoir les beautés de mon île. Marche dans notre Gaïa nature, c'est une chance. Alors, nous comptons sur vous, bien autant, paquet en poundiac en quantité pour le Pandathlon. Mais attendez, autres. Dimanche 11 septembre, participez au Pandathlon 2016 à Brapanon. Inscrivez-vous jusqu'au 3 septembre sur www.regionreunion.com. Je marche pour la Réunion, je marche pour la planète. Tu es étudiant, jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Première. À suivre les unes de la presse à 6h50 avec Cécile Thomas. Puis you. Ah bah oui, on se rappelle de ce fameux you. Ouais. Élodie Gossuin. Élodie Gossuin, l'ancienne Bisous, Miss. Bisous chérie. Effectivement. Et puis on ira à l'intérieur d'un bus à deux étages. Oui. Avec Emery. Juste après Amir. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donner un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. Tu m'as comme donné la. Et Cécile n'était pas au courant de ce qui s'était passé à l'Eurovision avec Élodie Gossoin, qui donc était celle qui représentait la France pour donner les points du jury de la France. Et lorsqu'elle est intervenue à la télé devant des millions de gens, elle a fait youhou. Voilà, sauf que c'était pas le même youhou que Amir, quoi. C'était un peu raté, quoi. Ouais, c'est un petit c'est peu gamellé. Une intervention à côté. Elle aussi, elle cherche toujours. Aïe. J'ai cherché Amir. C'était donc Amir. Et maintenant, on passe aux une de la presse à 6h51 avec Cécile. L'attaque de requins Boucan-Canote en une du quotidien ce lundi, ce mardi. Il porte une balafre sur le front, il a un œil au beurre noir. Bertrand Babeuf est en une du quotidien. Le journal vous propose lui aussi le récit du sauveteur du bodyboarder attaqué par un requin samedi. « J'ai juste fait mon boulot », dit-il. Il a été lui-même blessé en allant secourir Laurent Chardard, mais il ne se voit pas en héros. Autre titre à Saint-Pierre, bagarre pour le multiplex de Pierrefonds, l'appel à la raison de Michel Fontaine. Au volcan, Aline Pelletier, première femme à la tête de l'observatoire. Mobilité des étudiants, ça coince toujours à la Dôme. En football, un milliardaire américain repreneur de l'OM. Et puis 40 ans avec le quotidien, avril 2001, retour sur l'affaire Mamot Taki. Un commando faisait 5 morts à Madagascar lors d'une fête de famille. Oui, et puis la suite avec Bertrand Babeuf sur son lit d'hôpital, également en une du journal de Lille. Oui, attaque de requin boucan, je n'en veux pas à ce jeune. Bertrand Babeuf revient sur le sauvetage du surfeur. Autre titre, éclipse J-2, Michel Vignan, l'homme qui a mobilisé la Réunion sécurité. Attention aux yeux. Procès des achats de voix, gironcelle fixée aujourd'hui. Football, un milliardaire américain rachète l'OM. Dans la presse nationale, l'américain milliardaire, justement, une d'aujourd'hui en France. On voit son visage, un américain rachète l'OM, titre également le journal. Margarita Louis-Dreyfus et Franck McCourt sont entrés en négociation exclusive pour le rachat du club phocéen. Autre titre, les villes qui résistent au chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi a explosé depuis 2008. Pourtant, certains territoires ont mieux tiré leur épingle du jeu. Enquête dans 3 agglomérations qui ont su limiter la casse. De la politique en une du Figaro avec la présidentielle. Et les entreprises qui interpellent les candidats, écrit le Figaro. Le MEDEF compte profiter de sa 18e université d'été pour juger la crédibilité des prétendants à l'Élysée sur les réformes à mettre en œuvre pour relancer la croissance et l'emploi. Autre titre, Cazeneuve compte sur Chevènement pour ancrer l'islam de France dans les valeurs de la République. Une femme face à l'objectif en une du journal Le Monde. Angela Merkel. Beaucoup reste à faire. La chancelière allemande envisage de se présenter pour un 4e mandat en 2017. La crise des réfugiés nourrit cependant des contestations internes. À lire dans Le Monde aujourd'hui, une enquête sur l'enfance de Merkel à l'Est. Et puis autre titre, près de 10 000 migrants dans l'impasse à Calais. Une autre femme en une de Libération, cette fois-ci le regard dans le viseur. Les Kurdes au cœur du chaos, cette femme en une tient un fusil et vise, prête à tirer. Irak, Syrie, Turquie, les combattants kurdes sont sur tous les fronts. Mais s'ils sont décisifs dans la lutte contre l'État islamique, leur succès les transforme en alliés encombrants, commente Libé. Autre titre, Fillon, sniper des étés. Il a de nouveau tiré à boulet très rouge sur Nicolas Sarkozy ce week-end. L'ex-premier ministre profite depuis 2012 de la période estivale pour dézinguer l'ancien président, écrit Libé. Enfin, le nouveau visage de l'OM en une de l'équipe. Et oui, les secrets du rachat, titre le journal sportif. L'équipe raconte les dernières heures précédant la transaction entre Margarita Louis-Dreyfus et l'américain Franck McCourt. Le futur propriétaire de l'OM se veut ambitieux. Il sera jugé sur ses actes, écrit l'équipe. Et puis, on fout toujours les transferts. La Juve insiste pour Matuidi, nous dit l'équipe. Et puis en basket, Fournier règle ses comptes. L'arrière d'Orlando, non retenu pour les JO de Rio, exprime pour la première fois son dépit. Il cible notamment le sélectionneur, Vincent Collet. Merci Cécile Thomas. Retour de l'info à 7h avec Stéphane et Nilorac. Et c'est l'heure de l'appel réveil, Mickaël. 6h55 et nous allons rendre visite à Emery Robert, chauffeur de bus, ce fameux chauffeur de bus à 2 étages. Il l'a conduit déjà, ça y est, le bus à Imperial, il a eu la chance de pouvoir le faire en tout cas. Salut Emery. Hello Emery. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va bien réveillé? Oui, sur la route. Sur la route et à 8h, on reprendra ce fameux bus à Imperial. Alors la première impression, les premières impressions, comme vous l'avez conduit Emery? Bon, il est super. Il est super, voilà. Ah, oui. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier alors à la conduite? Est-ce que c'est différent d'un bus traditionnel que l'on connaît? Totalement. Totalement. Ben, il fallait faire la formation. Mmh. Le bus, il est plus long ouais. que ce qu'on a d'habitude. Mmh. Les roues arrière sont directionnelles. Ouais. Et il est, on va dire, truffé de sécurité, que ce soit pour les clients, pour le chauffeur. Et c'est, comment dire, il y a énormément de sécurité à l'intérieur du véhicule. Il y a beaucoup de trucs qu'on ne savait pas, qu'il fallait apprendre, et voilà. Et vous faites une formation en ce moment, d'ailleurs. Voilà, une formation pour connaître le bus, pour connaître ses systèmes de sécurité. Ouais. Par exemple, un détail, le bus sur une nationale, il est programmé à 90, il va rouler tout seul à 90. Ah oui. Une voiture va freiner devant nous, il va automatiquement ralentir sans qu'on fait rien. D'accord. Dès que la voiture elle va re-accélérer, le bus il va re-accélérer, il va reprendre son allure, voilà. Emery, est-ce que vous voyez ça comme une chance d'avoir la possibilité de conduire ce bus, une expérience supplémentaire? Comment on prend ça? C'est une très grande expérience, c'est une belle chance. Je remercie déjà mon entreprise de m'avoir donné cette chance. Ça fait une belle expérience. Une belle expérience qui est partagée par d'autres chauffeurs, parce que vous n'êtes pas le seul, Emery. Il y a 8 chauffeurs. 8 chauffeurs qui ont la chance de conduire ce bus à 2 étages. Ouais. Est-ce que là, votre avis sur la question, c'est plutôt se dire, on a ce bus à 2 étages, pourquoi pas en avoir d'autres, finalement? Ah oui, c'est clair, c'est clair, parce qu'on voit l'utilité à La Réunion de ce bus. Une plus grande capacité de transport. Il porte quand même, si je ne me trompe pas, 71 personnes. D'accord. Il y a une grosse demande sur le réseau Carjaune, une clientèle qui évalue de jour en jour. Oui. On a énormément de monde. On l'a constaté pendant la rentrée scolaire. Et donc, ça pourrait servir. Ça pourrait servir. Ah oui. Ce fameux bus à 2 étages, moins de rotation, plus de gens s'y rentrer dans les bus. Mmh. Et puis une toute dernière question, une polémique pour rien. Ce bus va filer sur tous les trajets de Lille, sur toutes les lignes du Carjaune. C'est possible. Oui. Vous avez même testé le fameux tunnel du Cap Laoussé. Ah. Oui. Il passe aussi. Ce bus, il passe franchement, mais partout sur le réseau Carjaune. Contrairement à ce qu'on aurait pu dire. Voilà, il passe, il fait. Pour les gens qui connaissent, il fait très facilement le O1, c'est la route Tamarin. Ouais. Il fait le O2, il passe par les plages, il fait la ligne T. On l'a essayé bien. Dans l'Est. Voilà, on l'a essayé dans l'Est, il fait la E1, il D'accord. fait très bien la E2. C'est voilà. L'essentiel, c'est l'essentiel. Merci Emery Robert d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt. Et merci puis, beaucoup. Merci bonne à route. Vous. Bonne route. Allez, salut Emery. Merci, au revoir. Yves Gruyère est à Boucan. Oui, le soleil est passé au-dessus des sommets en sortie du virage du Cap Laoussé, donc zone inondée de soleil, perturbant bien sûr pour les pare-brises et la visibilité, attention, prudence. Alors pour le moment, c'est encore roulant entre Grandfond et le Cap Laoussé, si vous avez choisi cette option pour rejoindre Saint-Paul, puisque les ralentissements démarrent avant le tunnel du Cap Laoussé. Attention, donc un peu après l'échangeur de l'Éperon, vous qui descendez sur Saint-Paul, sur la route du littoral, attention, c'est également avec un peu plus de monde, virage du gouffre actuellement, donc à peu près 4 km de l'entrée de Saint-Denis, avec le pont Vincennes encombré, les deux tranchées sont également pleines, ça commence à se densifier également à l'entrée de Saint-Denis vers le changeur du Chaudron pour rejoindre le front de mer, mais c'est surtout depuis Sainte-Suzanne et jusqu'au niveau quasiment du Verger, hein, donc les principaux ralentissements en provenance de l'Est. La situation dans le Sud, c'est encore à peu près roulant pour rejoindre Saint-Pierre en ce moment, mais attention, la route est mouillée du côté de Grandbois. Rendez-vous tout à l'heure, Yves, 7h sur la première. C'est l'heure du journal présenté par Stéphane Henny-Lorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. J-2 avant l'éclipse annulaire de soleil, un phénomène visible à La Réunion et qui risque d'attirer du monde sur les sites d'observation. Le meilleur spot serait celui de l'étendue Gaulle à Saint-Louis. Reportage dès le début de ce journal. Les autorités accélèrent après l'attaque de requins de samedi. Un squale aurait été prélevé dans la nuit suite à l'installation hier d'un engin de pêche à l'intérieur des filets. Aujourd'hui, un drone va survoler la zone de baignade de Boucan-Canote. Des aveux partiels pour l'homme accusé de viol en 2014 à l'étang Salé. Il reconnaît bien avoir abusé de sa femme, mais pas de sa nièce ni de sa fille. Son avocat va plaider l'acquittement. Vous l'entendrez, verdict attendu ce soir. À 7h15, l'invité de la matinale, Philippe Dornier, reçoit André Tianakoun, maire du Tampon. Et c'est à Saint-Louis qu'on verra le mieux l'éclipse annulaire de soleil, alors que la commune a décidé de mettre en place un village de l'éclipse à l'étendue Gaulle pour l'occasion. Ce sera jeudi, on attend 4000 personnes et pour éviter que le secteur soit engorgé, il y a des parkings relais à l'usine du Gaulle et à l'arrière de la gare routière de Saint-Pierre. Il y aura des navettes jusqu'au site. On attend des touristes et des médias venus de différents pays. Sophie Persson s'est rendue dans le quartier de l'étendue Gaulle. Dans le temple tamoul, tout près de l'étang du Gaulle, l'UCS attend à de nombreuses visites jeudi. La route sera barrée et attend qu'on verra pas mal de gens qui vont venir visiter le temple. Il y a 1, 2, 3 temples qui seront visités par les touristes. Il y aura des gens qui vont venir, des troupes de 20-25 personnes jusqu'à 4h de l'après-midi. Des traducteurs ont été prévus pour ces visites. L'UCS compte bien, lui aussi, observer l'éclipse. Et bien voilà, c'est une belle chose. C'est une bonne... Surtout à Saint-Louis, on sera aussi au moment. On verra ça, on a prévu les verres et tout. Teddy habite le quartier et les 4000 personnes attendues, il trouve ça plutôt positif. En fait, c'est une bonne chose, déjà. Déjà pour Saint-Louis, déjà bien. Je trouve que déjà bien par rapport que c'est un terrain de football, donc les mieux placés pour voir. Donc, il attend beaucoup de monde à aller voir l'équipe le 1er septembre, en fait. Kelly, elle tient un bar pas loin de l'étang et mise sur l'éclipse pour augmenter son chiffre d'affaires. J'espère, vu qu'en descendant, les gens vont passer, en montant, ils vont passer, on espère ça. Et tout le monde espère ça pour vendre un peu plus ce jour-là. Et confiante, elle conclut. C'est quand même exceptionnel, non ? Un reportage est signé Sophie Persson et concernant la météo, selon Météo France, le ciel sera peu nuageux, globalement peu nuageux jeudi, sauf peut-être, et c'est un comble, au MAC, le village qui abrite l'Observatoire de la Réunion. Responsabilité personnelle ou responsabilité collective, alors que la polémique ressurgit sur le risque requin, les autorités de Lille travaillent encore pour trouver de nouvelles solutions. L'État, la région et la mairie de Saint-Paul ont déjà beaucoup fait depuis plus d'un an, mais visiblement ça ne suffit pas. Alors hier, les autorités étaient sur le pied de guerre. Hubert Debeu. On ne gère pas une attaque de requins dans un espace de baignade et d'activité nautique surveillée comme ailleurs. Hier, les réunions entre le préfet et les collectivités, dont la mairie de Saint-Paul, se sont succédées. Les premières décisions ont été prises. Une est même déjà en place. Une palangre a été installée hier en fin d'après-midi à l'intérieur du filet sur le lieu même de l'attaque. Objectif, bien sûr, prélever le requin s'il est encore là. Deuxième décision, elle est prévue tout à l'heure. Un drone va survoler le périmètre entouré du filet. Là, il s'agira de voir si un ou plusieurs requins traînent dans cette zone. Troisième décision, si la palangre est retirée dans la journée et si la caméra du drone ne distingue rien, les plongeurs de la société Synergie iront demain mercredi vérifier le filet, une plongée qui se fera avec une sécurité renforcée. Hubert Debeu et le dispositif post-attaque qui semble enfin donner des résultats. Selon Jean-François Nativel de l'association Océan Prévention Réunion, une femelle bulldog de 3 mètres et de plus de 200 kilos aurait été pêchée dans la nuit à proximité de la plage de Boucan. En justice, Maurice Gironcel fixé aujourd'hui sur la suite ou non de sa carrière politique. Le maire de Sainte-Suzanne, accusé d'avoir tenté d'acheter des voix lors des municipales de 2014, risque 6 mois de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité. Jugement rendu en début d'après-midi au tribunal correctionnel de Saint-Denis. Aux assises, le verdict dans une affaire de viol conjugal sera connu un peu plus tard, peut-être en début de soirée. L'homme est accusé d'avoir abusé de son épouse alors qu'elle était inconsciente. plainte, des faits qui se seraient déroulés en 2014 à l'étang Salé. Il comparait également pour un viol présumé sur la nièce de sa femme et pour des attouchements sur sa propre fille de 4 ans. Hier, l'accusé a reconnu le viol de sa femme et a nié les autres faits qui lui sont reprochés. Il risque 20 ans de réclusion criminelle, mais son avocat va plaider l'acquittement. On écoute le bâtonnier Georges-André Ouarot au micro de Nadine Bachelot. On a coutume de dire qu'une guenon ne lâche jamais une branche sans en tenir une autre. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'il fallait donc évacuer celui-là. Et on a instrumentalisé sa propre fille de 2 ans et demi, 3 ans, et sa nièce de 12, 13 ans. Ça, je saurais le démontrer et on aura l'acquittement sur ces deux prétendues infractions, crimes et délits. En ce qui concerne l'acte sur elle-même, sur l'adulte, nous serons démontrés que c'est une pratique sexuelle qui avait cours chez eux. Je pense que même là-dessus, l'acquittement est plaidable. Selon vous, le fait de dénoncer ces faits 9 ans après, ça ne rend pas crédible la version de l'épouse. Mais surtout, qui se sont mariés au bout de 9 ans de ces pratiques-là. Où est la cohérence là-dedans ? Le bâtonnier Georges-André Ouarot. Prise de fonction officielle pour le nouveau sous-préfet à la cohésion sociale et à la jeunesse, Gilles Trémont, le successeur de Rémi Daroux, a posé ses valises sur l'île il y a 15 jours, mais il a officiellement pris ses fonctions à la préfecture de la Réunion hier. Son portrait avec Daniel Dambreville. À 56 ans, Gilles Trémont est un jeune dans la fonction de sous-préfet. Il a fait ses armes pendant 3 ans à Thiers, en Auvergne. La Réunion est sa deuxième affectation, un poste qu'il dit avoir choisi parmi 3 propositions. Notre île ne manque pas de difficultés, 56% de jeunes au chômage, 4000 d'entre eux en décrochage scolaire et une jeunesse en difficulté, précise Gilles Trémont, c'est des problèmes à retardement. Justement, le nouveau sous-préfet, qui dit ne pas arriver avec des solutions toutes faites, affirme aimer les challenges et les situations nouvelles. Un attrait pour la nouveauté que l'on retrouve dans son parcours professionnel très éclectique. Des études de droit avant de devenir receveur-percepteur au Trésor public. Il sera ensuite agent comptable du Centre spatial de Kourou, puis nommé au CNRS de Meudon, avant de rejoindre la préfectorale. Parmi les dossiers prioritaires sur le bureau du sous-préfet à la cohésion sociale, la rénovation urbaine, 13 contrats de ville sont en cours, et la mise en place du plan investissement d'avenir pour lutter contre le décrochage scolaire. Daniel Dambreville. Devenir apiculteur en forêt, ça vous tente? Alors dépêchez-vous, c'est le dernier jour pour déposer votre dossier de candidature à l'ONF. L'Office national des forêts veut attribuer 27 nouvelles concessions identifiées par ses agents afin de favoriser l'implantation de ruches en forêt publique. Plusieurs critères établis, la protection de l'environnement et des paysages, la sécurité du public, la bonne pratique agricole ou encore la professionnalisation du secteur. Le syndicat apicole de la Réunion et son président François Payette militent en particulier pour la diversification des miellets. Nous, au niveau du syndicat, on milite aussi beaucoup pour la replantation, mais surtout de plantes endémiques et indigènes, mellifères. Donc c'est un travail que l'on fait, que l'on mène avec l'ONF, avec le Parc National, avec le Conservatoire Botanique, avec le GSEP, avec différentes municipalités, dont celle du Tampon, donc celle du Port également. Et il faut commencer maintenant. Alors, quelques exemples, hein, le mythique miel vert avec le thym rouge. Donc, sur le tampon, il y a un programme de replantation, et pour l'instant de semis, hein, de thym rouge. Mais bon, il y a beaucoup d'autres. Hein, je peux citer le corse blanc, la fleur jaune, etc. Donc, vous voyez, les plantes ne manquent pas. François Payette, président du syndicat apicole de la Réunion, joint par Jean-Paul Mélade. C'est l'heure désormais de l'actualité internationale et nationale avec Anne-Charlotte Costabadi de France Info. Une rentrée politique hier pour la majorité de gauche à Colomiers près de Toulouse, un meeting sous le signe du rassemblement avec le chef du gouvernement Manuel Valls, entouré d'une douzaine de ministres ainsi qu'un millier de militants. La droite et surtout Nicolas Sarkozy au cœur des critiques. Aussi cette phrase qui a beaucoup fait réagir, prononcée par Manuel Valls sur le burkini. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple, elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Et 4 arrêtés interdisant ce maillot de bain intégral sur les plages sont justement dans le viseur du collectif contre l'islamophobie en France. L'association a signé en justice Nice, Menton, Roquebrune, Cap-Martin et Fréjus pour la suspension de ces arrêtés. Ce matin à Laval, reprise des négociations entre Lactalis et les organisations de producteurs de lait. Ce sera la 3e session de négociations sur le prix d'achat du lait. D'ici là, les producteurs maintiennent la pression avec une mobilisation partout en France devant notamment des usines du groupe cette nuit. L'Italie se prépare à une nouvelle journée de deuil national. Les obsèques de plusieurs dizaines de victimes du séisme la semaine dernière se tiendront à Amatrice, la commune la plus touchée dans le centre de la péninsule. Le séisme a fait près de 300 victimes. En mer Méditerranée, de nouvelles opérations de sauvetage de migrants, avec ce chiffre record hier, 6500 personnes ont été récupérées par les gardes-côtes italiens. Le président américain Barack Obama et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan vont se rencontrer dimanche en Chine. Annonce faite dans la soirée par Washington. Cette rencontre en marge du sommet du G20 risque d'être sous tension en pleine offensive de l'armée turque en Syrie contre notamment les milices kurdes soutenues par les États-Unis. Apple pourrait être condamné à payer une amende record ce mardi par la Commission européenne. L'entreprise américaine d'informatique est soupçonnée d'avoir reçu certains avantages fiscaux de la part de l'Irlande. Amende qui pourrait se régler à coups de milliards. L'Olympique de Marseille, racheté par un entrepreneur américain. Le club de football, le Phocéen, repris par Frank McCourt, l'ancien propriétaire du club de baseball des Dodgers de Los Angeles. Aucun prix n'a été divulgué. Plus de défaites que de victoires françaises à l'US Open de tennis. 7 matchs perdus dès la première journée, avec notamment les éliminations de Richard Gasquet, Julien Benneteau et Alizé Cornet. Ça passe en revanche pour Gaël Monfils, Benoît Paire, Joe Wilfried Tsonga et Lucas Pouille. C'est la plus célèbre des Australopithèques, Lucie. C'était notre cousine il y a plus de 3 millions d'années. On en sait un peu plus aujourd'hui sur sa mort. Au risque de casser un petit peu le mythe, les résultats d'une étude parue dans la revue Nature indiquent qu'elle serait probablement morte en chutant d'un arbre. Et puis c'était le géant de la comédie américaine. L'acteur américain Gene Wilder est mort ce lundi à l'âge de 83 ans. Il était connu pour son rôle de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, film de 1971. 7h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et le temps est plus agréable qu'hier, oui, Miguel. Et le vol des abeilles devrait être moins perturbé par le vent aujourd'hui, vu qu'on parle de ruches depuis 5h du matin. Ce vol devrait se faire un peu plus convenablement, avec 60 à 70 km/h de rafale sur le nord et le sud, de l'étang Salé à Saint-Joseph et de l'autre côté de Saint-Benoît à Saint-Denis. Du soleil ce matin, mis à part quelques nuages dans l'est et le sud sauvage. Cet après-midi, plus de nuages sur les hauteurs, notamment celle du nord-ouest entre le port et Saint-Paul. Débordement possible sur littoral. A priori, pas de goutte, on restera au sec. Le vent toujours souffle, la houle est toujours présente, mais elle diminue. Et les températures, on ira jusqu'à 26 degrés cet après-midi sur Saint-Gilles. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Enfin, point trafic tout de suite. Yves, vous êtes au rond-point Bruniquel. Oui, alors attention, je ne sais pas si la chaussée est mouillée, mais en tout cas, il y a quelques gouttes qui tombent vers la marine de Sainte-Suzanne en ce moment, de l'autre côté, là, par rapport à moi. Donc, circulation bloquée, hein, donc bien ralenti, entre quartier français toujours et jusqu'aux portes de Saint-Denis. Il y a assez peu de zones roulantes, une zone convenable, on va dire. La circulation est très, très dense sur tout l'itinéraire. Ça représente près d'une vingtaine de kilomètres de perturbation en provenance de l'Est. Circulation ralentie également, virage de Ravine à Malheur en ce moment sur la route du littoral, un petit peu moins de monde qu'hier à la même heure. Le pont Vincennes et les tranchées, c'est toujours bien plein. Ici, côté ouest, attention, ça coince à la fois sur le littoral maintenant, puisque de grands fonds jusqu'à Boucan avec ce soleil, la circulation est bien coincée jusqu'au cap là où c'est dans un premier temps. Pour la route des Tamarins, attention, ça commence depuis le pont de la Savane, avant le tunnel du cap là où c'est, un petit peu après l'échangeur de l'Éperon. Ici, le chantier donc sur la déviation de la Saline est en train de se mettre en place. On croise des équipes qui viennent partir pour installer des feux tricolores. Donc généralement vers 7h30, c'est parti pour une journée jusqu'à 16h avec de l'alternat réglé par feu tricolore. Et on file à Clairefontaine. Merci Yves. On file à Clairefontaine pour le tiercé quartier Quintet Plus du jour. Exactement, le prix du bocage. Il y aura 16 partants, 2400 mètres à parcourir, 4 400 000 euros dans la tirelire. Les pronostics de Pascal Maillot qui vous conseille le 15, le 4, le 10, le 3, le 13, le 8, le 14 et le 12. 15, 4, 10, 3, 13, 8, 14, 12. En cas de non partant, le 6. Concernant les pronostics du Fouineur, du GIR, partenaire Réunion Première, il vous conseille le 6, le 10, le 15, le 8, le 3, le 4, le 11 et le 14. 6, 10, 15, 8, 3, 4, 11, 14. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. À suivre, André Tianakoun, l'invité de Grand Matin. Citoyens des Outre-mer, vous avez la parole. Le projet de loi égalité réelle ne se fera pas sans vous. Une consultation participative est lancée. Objectif : vous permettre de prendre part à une démarche qui va engager l'ensemble des Outre-mer pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce que l'égalité réelle ? Quelles actions peuvent y contribuer ? Quelles sont vos idées ? Jusqu'au 9 septembre, rendez-vous sur égalité-réelle-outre-mer.fr. Parlez-en autour de vous et ensemble, construisons l'avenir des Outre-mer. Attention, à compter du jeudi 1er septembre, la Civis change ses modalités de collecte. Les jours et les fréquences de collecte évoluent. Pour vous accompagner, la Civis distribue actuellement un nouveau calendrier de collecte. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.plusbellelaville.re ou appelez le numéro vert au 0800 501 501. Le changement de collecte, n'oubliez pas, c'est à partir du 1er septembre. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons gestes. Il est 7h16 dans toute la Réunion. L'invité de Grand Matin sur Réunion Première Radio et Internet. Vous nous suivez aussi sur le web, hein, réunion.lapremière.fr. Philippe Dornier nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et votre invité ce matin est le maire du Tampon et le président de la CASUD, monsieur André Tianakoun, qui nous attend en direct de Saint-Pierre. André Tianakoun, bonjour. Bonjour. Le Tampon, c'est une des rares communes de la Réunion qui n'a pas de littoral, mais quand il y a une attaque de requins comme ça s'est passé samedi, évidemment c'est toute l'île qui en subit les conséquences au niveau du tourisme. Est-ce que vous craignez un nouvel effondrement ? Je pense que dans cette affaire, la responsabilité de l'État est engagée. Soit on a un État qui dirige, soit on a un État qui laisse faire. Et qui laisse tout le monde dans une nasse impitoyable. Je pense que c'est un problème très sérieux et qu'il faut cesser de tergiverser et que donc, à l'instar de tout ce qui a été fait dans les autres îles, il faut que la Réunion règle son problème de sécurisation et de développement touristique. Quand on installe des filets anti-requins sur une commune comme celle de Saint-Paul, vous trouvez qu'on tergiverse ? Moi, j'avais pensé qu'un jour, pour faire tomber la pluie à la plaine des Cafres, qu'il fallait mettre des filets anti-requins dans les hauts de la plaine des Cafres. Comme ça, on aurait résolu le problème de la sécheresse dans les hauts. Mais vous ne pensez pas qu'il faut essayer des expérimentations ? C'est pas bon pour... On a vu quand même cette plage de Boucan qu'à notre vivre. Ne fait pas des expérimentations avec la vie des gens, monsieur. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec les avancées ? Il faut faire quoi, alors ? Ah bien, je ne suis pas technicien, mais l'État doit prendre ses décisions. Hein. Il y a un ministre à Paris, il y a un gouvernement, et on doit prendre des décisions. Et nous sommes presque à la 20e attaque, et puis tout le monde essaie de parer au plus pressé, et puis on ne s'en sort pas. Voilà le constat. Et notre image à l'international est déplorable. Et ici, il y a des hommes et des femmes, des enfants qui se font manger. Hein. C'est le cas à Saint-Paul, la dernière fois où il y a eu un enfant qui était à 5 mètres de la plage et qui s'est fait manger par un requin. Voilà. Donc cette crise requin, globalement, vous trouvez qu'elle n'est pas bien gérée et que les décisions prises ne vont pas dans le bon sens ? Que l'autorité de l'État doit s'exercer et qu'on cesse de rêver dans ce pays. Un phénomène qui attire les touristes, par contre, c'est l'éclipse de soleil après-demain. Réservation en hausse de 17% dans les gîtes et les hôtels, d'après l'IRT. Vous en ressentez les effets au Tampon ? Nous avons un frémissement. Je dirais qu'une éclipse est un phénomène exceptionnel qu'on voit tous les 200 ans. Au Tampon, nous avons pris la décision de permettre à tous les enfants, accompagnés de leurs parents, de pouvoir apprécier en toute quiétude, en toute sécurité, le passage de l'éclipse et permettre au personnel communal de la CASUD de pouvoir retourner chez eux à partir de 11h30. Donc nous prenons les dispositifs nécessaires et nous espérons que cela sera une belle journée pour les tamponnés et puis pour tous les enfants du Tampon. Alors ce phénomène d'éclipse, il est dangereux, on le rappelle, si on ne porte pas les lunettes spéciales pour regarder le soleil, mais en même temps... Ce sont les médecins et spécialistes qui le disent. Voilà, c'est un moment exceptionnel, ceci dit, pour apprendre des choses sur l'astronomie, sur l'espace, sur l'histoire. Pourquoi vous fermez les écoles au Tampon ? Bien, parce que c'est pas une question de sécurité et d'assurance, parce que la commune est assurée. Donc, mais si un enfant perd son œil demain, ou bien s'il a une baisse de l'acuité visuelle, bien, on ne rendra pas à l'enfant sa santé et ni ses yeux. Par conséquent, la seule façon et la bonne façon de voir tout ça, c'est que les parents, les papas, maman, ou bien maman, et puis avec mamie, ou bien avec papy, accompagnent leur enfant ans pour observer un phénomène exceptionnel qu'on ne verra plus. Et qu'à l'école, personne n'est capable d'encadrer autant d'enfants et que les enseignants, s'ils sont appelés à être responsables pendant les heures de cours, ou bien les employés communaux, lorsque on est dans une situation ambiguë, mieux vaut être clair et qu'on affiche de façon positive le choix qui est celui de donner à l'enfant toutes ses chances d'exister dans toute sa sécurité. Alors, s'il y en a un qui vous suit pas, c'est Jean-Jacques Vlody, votre opposant socialiste à la mairie, était l'invité devant la réunion hier soir. Écoutez, M. Tiennacoun, ce qu'il dit à propos de votre décision, vous réagirez juste après. Est-ce que vous croyez que les enfants du tampon sont les seuls exposés ce jour-là? Est-ce que toutes les autres écoles de la Réunion sont fermées ce jour-là? Moi, ce que je regrette, c'est que le maire du tampon ait pris cette décision inspirée, je ne sais pas, de croyances moyenâgeuses. Je ne sais pas si on a encore peur de l'éclipse aujourd'hui, alors qu'au contraire, c'est un événement scientifique majeur où, en plus, on est un des rares territoires à pouvoir l'observer. Moi, je serai jeudi après-midi sur l'étang du Gol, où une manifestation est organisée par l'Observatoire des MAC pour justement pouvoir observer en public. Ben, nous verrons bien si jeudi soir, j'ai les yeux grillés. Jean-Jacques Vlody, interrogé par Gaël Le Dantec. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin, André Tiennacoun? Je vais dire que partout où M. Vlody est passé, il n'y a eu que des échecs. Premièrement, il a été président délégué de l'ARAST. Où en sommes-nous avec l'ARAST? Madame Nassima Nadar a porté le chapeau pour lui. Et l'ARAST a fait faillite. Deuxièmement, il a été président de la Rue d'État à Saint-Pierre. C'était une régie de mécanoculture qui avait des bulles et qui travaillait pour les agriculteurs. Eh bien, la Rue d'État a fait faillite et la Rue d'État a été fermée et a laissé un passif énorme. Vous lui répondez pas sur cette question précise, M. Tiennacoun. Il y a eu 1,5 million d'euros de déficit que j'ai été amené en tant que conseiller général à voter pour combler le trou qu'il avait creusé. Vous répondez pas à sa question précise. Est-ce que votre décision est inspirée de croyances moyenâgeuses? C'est l'attaque qu'il vous lance. Ah non, je ne peux pas accepter qu'un blablateur qui ne sait pas compter, qui ne prend pas sa machine à calculer, et s'il ne sait pas calculer, ben je vais lui offrir un boulier chinois. Tiens, ça va l'aider à faire mieux ses calculs. Alors, en fermant les écoles, pour redevenir sérieux, forcément, les enfants ne vont pas bénéficier d'informations sur cette éclipse. C'est plus intéressant de la commenter en direct que pendant un cours magistral. Vous comprenez que des parents puissent être déçus de ça? Pas du tout. Vous voulez dire que les parents ne sont pas capables d'expliquer aux enfants ce que c'est que l'éclipse solaire, alors que... Ben, ils n'ont peut-être pas tous les connaissances objectivement que celles des enseignants. On n'a pas besoin d'une assistance de l'école qui ne peut pas encadrer tous ces enfants, et on dit que lorsque les responsabilités seront partagées entre l'État, les enseignants, c'est-à-dire les enseignants et puis ensuite la commune, les personnels communaux, et lorsqu'on voit qu'il y a des syndicats, des enseignants qui décrètent une grève ce jour-là, cela veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'assumer cette responsabilité. Pas tous. Le principe de précaution, vous ne pensez pas que les autres maires n'y sont pas sensibles? Le principe de précaution, c'est celle que nous prenons et en même temps, nous donnons les enfants toutes leurs chances de pouvoir observer tranquillement, dans la sécurité, dans la quiétude, avec l'assurance que tout sera bien fait par les parents qui vont accompagner leurs enfants. Mais pour être clair, on a l'impression... Son enfant et qu'on a des problèmes, à ce moment-là, on fait comme chez le maire du tampon, il va travailler dans ce bureau, il ferme les portes et fenêtres. Pour être clair, vous donnez un peu le sentiment de remettre en cause l'intérêt de l'école sur cet événement-là. L'école a ses responsabilités, les enseignants sont assez responsables, les maires sont assez responsables et le personnel communal aussi ont leurs responsabilités à assumer. Les enfants ont déjà donc le temps de se former, ils ont déjà eu le cours avant l'éclipse et puis ensuite on sera hors temps scolaire et tout se passera de façon exemplaire et formidable. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a un monsieur qui dit que lui, pour lui, il est tout sûr de lui, il va voir ses yeux seront brûlés, mais il ne pense pas aux enfants des autres. Hein. Voilà. Le dossier de l'eau au tampon, l'eau d'irrigation d'abord, les éleveurs n'en ont pas assez, ils sont venus vous voir pour se plaindre. Vous avez pu faire quelque chose pour eux? La commune a la responsabilité de l'eau potable. Et nous voulons sauver notre agriculture, bien entendu. D'une part, il faut sauver notre population. Et il faudra que, depuis 1995, date de la dernière opération de captage d'eau du pont du Diable, qui nous a donné 150 à 200 litres seconde, nous allons passer aujourd'hui, dès l'année prochaine, à une vitesse supérieure, qui sera celle d'engager un deuxième chantier qui va passer à 200 litres seconde de plus, donc en captant la source avoïde. Donc c'est une source qui va coûter très cher, puisque la potabilisation va suivre. Ça va entraîner du coup une augmentation du prix de l'eau, puisque ça va coûter cher ? Pas du tout. Le prix sera stable parce que nous avons fait nos calculs et que donc avec les concours que nous avons sollicités, nous arriverons à nous en sortir et que donc on aura de l'eau potable pour la population pendant environ 15 ans, période à laquelle nous passerions à plus de 120 000 habitants. Sans coupure d'eau fréquente comme c'est le cas aujourd'hui ? Eh bien, si le bon Dieu ne nous envoie pas de cyclone et ne fait pas tomber les parois de nos montagnes, on aura une chance de pouvoir s'en sortir. Rien n'est définitif ni parfait, mais nous ferons de notre mieux pour préserver la population du tampon, d'une eau sûre et de qualité. D'autre part, pour ce qui concerne l'eau d'irrigation, je pense que la commune fait donc l'effort nécessaire en mettant en place un dispositif de construction d'un barrage collinaire dans les hauts de la un second barrage de 5 hectares qui permettra d'irriguer à minima 400 hectares et amplifier les rendements de 10 fois supérieurs à celui de pour la même surface actuelle que si elle était en canne à sucre. Donc c'est un projet extraordinaire, exceptionnel. Nous allons demander le département son appui, son soutien. Madame la Présidente Nassima Dindar nous a déjà donné son accord de principe pour soutenir dans le cadre du développement des eaux le captage le refoulement de l'eau d'irrigation à partir de 400 tampons jusqu'à la plaine des Cafres. Et dans ce schéma, si la commune du Tampon devait apporter sa contribution, nous mettrions en place une contribution, une participation par la prise en charge de la canalisation de refoulement qui va coûter 10 millions d'euros, qui serait financée par la commune du Tampon et la différence par le Conseil Général. Très rapidement, que nous prenons très au sérieux ce problème de sauvetage de notre société rurale, à savoir le maraîchage et l'élevage. En quelques secondes, vraiment, un mot de politique, la primaire à droite qui se profile. Est-ce que vous avez choisi le candidat que vous allez soutenir ? Écoutez, si vous êtes imprudent, vous l'auriez déjà choisi, et que comme il s'agit des débats internes à chaque parti, il faut laisser les choses avancer. Et le moment venu, en fonction de ce qu'ils vont proposer pour l'outre-mer, on sera amené à faire le choix nécessaire. Mais tant que les candidats ne seraient pas prononcés pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec l'économie de la Réunion, qu'est-ce qu'on va faire avec l'ouverture des frontières par l'importation des produits des pays étrangers sans payer de taxes douanières, et qui va combattre et qui va écraser donc nos activités économiques et agricole et d'élevage. La lecture du programme et les annonces qu'ils vont faire pour sauver la Réunion, pour sauver nos jeunes et vous nos n'avez pas choisi qui, année, de plus en plus, restent au chômage. On a compris que vous n'avez pas choisi votre candidat. André Tienakoun, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonne journée. Merci. À bientôt. Bonne journée à vous tous. Merci Philippe Dornier. Votre invité était André Tienakoun, président de la CASU des maires du Tampon. Et l'interview qu'on pourra entendre à 13h30 avec Ingrid. Voilà, entre 12h et 14h. Et dans un instant, ça sera le journal 7h30 avec Cécile Thomas. D'ici là, Ina Modja. French Cancan. He used to tell me that I'm jolly. I couldn't say a word, just Coco, Choco, Chanel, Coco, Chanel, Chocolat. In my heart. Je suis enchantée. Monsieur Saint-Mitouche. Mathieu Sainte-Nitouche. Ina Modja qui était présente au dernier Ça qu'il faut, qu'on a suivi forcément sur Réunion Première. On rejoint Yves Gruyer et un accident. Yves a signalé sur la 4 voies du tampon. Ça faisait longtemps, Isabelle, qu'on n'avait pas parlé d'accident. Déjà, pas eu depuis la rentrée. Puis, il n'y avait pas vraiment de bouchon depuis cette rentrée scolaire sur cette 4 voies du tampon. Mais là, il y a eu une collision. Alors, à proximité de la sortie des casernes, en cette partie en dessous de Mont-Caprice, où souvent, vous avez des voitures qui sont stockées sur la bande d'arrêt d'urgence avant de prendre la vraie bretelle de sortie des casernes pour retrouver la balance de Saint-Pierre. Et donc, ça circule parfois avec des difficultés également sur la voie de circulation, la voie lente, et il peut y avoir quelques difficultés également sur la voie de dépassement. Alors attention, le bouchon remonte maintenant avant Mont-Caprice. Ça faisait longtemps. Attention à ces embouteillages, vous qui descendez sur cette 4 voies. Alors, je ne parle pas d'humidité, puisque l'humidité était plus vers Grandbois. Il pleut toujours également, en tout cas la chaussée est mouillée. Sur la marine de Sainte-Suzanne, le bouchon qui commence toujours dans ce secteur, entre la marine jusqu'aux portes de Saint-Denis en provenance de l'Est. Les deux tranchées, le tunnel du Cap Bernard, donc bien bloqué, les deux tranchées, le pont Vincennes bouché. Les circulations difficiles depuis l'entrée de la route du littoral pour aborder le chef-lieu. Et puis ici, côté ouest, c'est à hauteur du radar qui se situe juste après l'échangeur de l'Éperon, donc avec des difficultés entre Grandfonds et Boucan. Ici, sur cette partie haute de Saint-Gilles, donc au niveau de Villèle, la circulation se fait plutôt correctement, tout comme la voie Canière. Merci Yves Gruyer, 7h31 sur la première. Le journal de la rédaction, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez froid ce matin, eh bien ça va durer, même temps pour les jours à venir d'après Météo France. Et c'est de bon augure pour observer l'éclipse jeudi, nous ferons le point. Nous entendrons Bertrand Babeuf, le sauveteur qui a secouru le surfeur attaqué par un requin à Boucan samedi dernier. À La Réunion, être MNS, c'est dangereux. Maurice Gironcel a-t-il voulu acheter des voix lors des dernières élections municipales? Le tribunal doit trancher aujourd'hui. Nous reviendrons sur les faits reprochés au maire de Sainte-Suzanne avec Antoine Garnier. Et puis à Mayotte, la rentrée est une course pour certains étudiants. Les redoublants ne sont pas prioritaires. Ils cherchent des solutions pour ne pas rester sur le carreau et être inscrits pour cette nouvelle année scolaire. Du vent, du froid et finalement un temps plutôt pas mal pour observer l'éclipse annulaire jeudi, c'est ce que prévoit Météo France. Le temps ne changera pas les prochains jours, l'hiver est là, les nuages ne devraient pas gâcher la fête, Jean-Paul Mélade. Il y aura de bonnes conditions d'une manière globale, sauf sur les MAC, où on observera quelques petits nuages, selon Jacques Écormier, prévisionniste à Météo France. Sinon du beau temps et du vent avec des rafales d'environ 70 km/h. Beau temps aussi dans l'ouest, avec cependant un bémol. Jacques Écormier. Sauf sur la région, on va dire, du Bois-de-Neuf-Saint-Paul jusqu'à Petite-France, il y aura des nuages. Mais au-delà de 1700 mètres, on aura des conditions encore optimales. Le ciel sera totalement dégagé, tout simplement parce que les sommets nuages ne vont pas dépasser ces hauteurs-là. Beau temps également sur le nord-est de la Réunion avec un peu de nuages. Le nord, toujours de bonnes conditions, sauf sur la hauteur du Brûlé, où il y en aura quelques nuages. La région de Saint-Benoît, il y aura une alternance d'éclaircies et de nuages. Et c'est ce type de temps, ce sera pour l'Est, mais également le Sud-Est. Le volcan, quant à lui, sera découvert par moments par des nuages. Mais on va dire, globalement, ça va être un beau jour pour l'éclipse. Il ne reste plus qu'à choisir votre région, bien vous vêtir et porter vos lunettes pour profiter de l'éclipse annulaire. L'éclipse annulaire du soleil à suivre le nez en l'air dès midi 20 jeudi. Un événement à suivre, bien sûr, sur Réunion Première. Il a bravé la peur et le danger. Bertrand Babeuf est en photo dans vos journaux ce matin. Depuis hier, il témoigne du sauvetage du surfeur samedi à Boucan. Bertrand Babeuf est maître nageur sauveteur. Il a sauté sur un jet ski samedi pour aller secourir le surfeur blessé. Lui-même s'est blessé durant l'intervention. Le jet ski a été renversé par une vague. Bertrand a dû être opéré de la jambe au niveau du tibia. Hubert Debeu l'a rencontré. Il est maître nageur sauveteur que depuis 4 ans, mais son acte héroïque de samedi en dit long sur ses compétences. Sauveteur, lui, va comme un gant. Bertrand Babeuf reconnaît que le métier de MNS sur une plage à La Réunion est un métier dangereux. Sur les plages de La Réunion, il suffit d'un diplôme comme pour travailler en métropole ou en piscine. Sauf que nous, on a un métier bien particulier. On a des conditions de vagues, des conditions de houle, du courant. Il faut vraiment connaître le milieu, connaître l'endroit pour pouvoir y travailler. C'est un métier dangereux, oui. Samedi, toute la journée, les maîtres nageurs se sont éberlués à faire sortir les surfeurs. Pierre-Yves Jousse est gérant

Tous les jours, il se retrouve devant le vice-rectorat avec le même espoir d'être reçu et entendu. Amboudi Mohammadi est résigné. Les redoublants ne sont pas prioritaires, faute de place. Plus les jours passent, plus ses chances de poursuivre ses études secondaires s'amenuisent. J'ai échoué et il y avait beaucoup de gens là où j'étais. Là, je vais voir si je peux avoir une solution. Mais si je n'ai pas une solution là, je ne sais pas ce que je dois faire. Peut-être aller au PCMA ou partir à Métropole. Ali Boura a dû interrompre l'année scolaire passée. Cette année, poussé par ses amis, il est motivé. J'ai déjà déposé mon dossier là-bas. Après, là, ils ont dit qu'ils vont regarder cette semaine-là. Chercher s'il y a des places là-bas. Et ses amis sont venus le soutenir. Il ne lâchera rien, disent-ils. Son avenir passe par un diplôme. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. Restez avec nous, on parlera d'étudiants également dans notre journal de 8 heures avec une initiative originale et intelligente, une histoire de colocation entre des Gramoun et des étudiants pour rompre l'isolement, partager la vie de tous les jours. Rencontre avec Suzy qui a 85 ans et qui partage donc son logement avec Olivier, étudiant infirmier. Mais de toute façon, il n'y a aucune raison que vous nous quittiez. On est bien avec vous là sur Première. Ah oui, on est bien. Ma chère oui, Cécile, on reste ensemble. Bonne journée à vous. La bonne colocation sur une première. À demain. 7h40 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Une journée plutôt clémente, Michael. Vent en baisse, les rafales seront moins nombreuses sur le sud et le nord, houle qui diminue et le soleil qui sera un peu plus vaillant qu'hier, sauf sur l'est et le sud sauvage et les hauts. L'après-midi, les nuages pourraient venir jouer les troubles fêtes. Alors c'est vrai que températures sont fraîches, jusqu'à 26 degrés cet après-midi à Saint-Gilles, on n'en a que 17 ce matin. 10 au tampon, 21 cet après-midi et 5 petits degrés à la plaine des CAF. Faut sortir le pull ce matin, mais cet après-midi, vous pourrez peut-être l'enlever avec 17 degrés. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Et on va prendre des nouvelles du trafic concernant cet accident sur la 4 voies du tampon. Yves, seulement des dégâts matériels. Oui, il y a 4 voitures, c'est un carambolage entre Mont-Caprice et la sortie des casernes. Comme ça arrivait, ça faisait longtemps, donc je vous le disais, donc on n'a pas eu ce genre de collision. Donc patience, bien entendu, puisque toute la 4 voies du tampon est pleine maintenant, hein, depuis les Azalées pour descendre jusqu'à Saint-Pierre. Il va falloir être patient. Alors forcément, il y a pas mal d'automobilistes qui ont quitté la 4 voies ou qui sont passés depuis la sortie de Condé, soit depuis le giratoire des Azalées en empruntant l'ancienne route nationale. Ça ramène plus de monde forcément vers l'échangeur de Mont-Caprice pour gagner un petit peu de temps. Et puis également, bien ceux qui continuent par la voie Cagnère, celle qui longe la 4 voies et qui redescend jusqu'à la balance de Saint-Pierre. Donc dans tout cela, bien compliqué. Les gens là, enfin police sur place. Dépanneur également, on est en train de réaliser les constats puisque donc il n'y a que des dégâts matériels. Prudence et patience là-bas, pas de changement pour l'ouest avec des difficultés toujours après l'éperon pour le début des ralentissements et des bouchons pour descendre sur Saint-Paul. Ça coince bien également sur la partie basse de la route du théâtre, cette heure-ci c'est l'heure de pointe au niveau du collège des Aigrettes et ça ralentit entre Saint-Gilles jusqu'au Cap Laousset avant de descendre vers la Marianne. Patience également à ce niveau. Pour la route du littoral, par contre, ça c'est le point positif, ça va mieux, et notamment bien mieux qu'hier. Les ralentissements se sont rapprochés de Saint-Denis, c'est au virage du gouffre, ça démarre les ralentis, les difficultés, mais ça coince toujours sur le pont Vinçal des Tranchées et toute l'entrée est de Saint-Denis, tout comme enfin 4 voies à Saint-Malois. Courage. Et peut-être que vous petit déjeunez sur la route en ce moment. Alors, vous êtes dans les bouchons, prenez votre photo de petit déj parce qu'il ne vous reste qu'une poignée de minutes. Eh oui. Pour repartir peut-être à la fin de la semaine avec cette belle croisière pour deux personnes offerte par Croisière et Découverte sur le catamaran Catapassion. Eh oui, c'est le gros cadeau de la semaine. Il est pour vous, tous ceux qui participent, qui envoient leurs photos tout au long de la semaine. Eh bien, d'office, ils participent au tirage au sort de vendredi. Et tous les jours, il y en a un. Il y a un double cadeau. Bah, il y a deux invitations pour les cinémas. Bah, voilà, peut-être vous, faire mieux, hein. Peut-être Karine, voilà. Peut-être Lucie qui ont posté des photos sur cette fameuse page Facebook Grand Matin. Donc continuez. Et avant 8h, on appelle chez vous. À suivre aussi la question, pas si utile, mais quand même. Pourquoi la menthe rafraîchit-elle? Grande question. C'est une question. Je me suis réveillée ce matin, je me suis dit, tiens. La menthe rafraîchit, mais en fait, pourquoi elle rafraîchit cette menthe? Grande question, elle n'est pas si utile, mais quand même, on vous expliquera pourquoi la montre est rafraîchie. D'ici là, c'est Maya Kamati avec Écris-moi sur Première dans Grand Matin. Excellente journée avec nous. Écris-moi à l'ancienne que je lise entre les lignes. Si les mots font des siennes, si les phrases rechignent, le jeu en vaut la chandelle. Quand le désir trépigne d'impatience rebelle et de faute bénie. La belle et douce Maya Kamati, Écris-moi sur Première dans Grand Matin. La question, belle et douce, pas si utile, mais quand même. Mais quel est le problème ? La belle et douce. Bah, je vais quand même pas dire la moche et dure quand même. Enfin, franchement, Isabelle. Mais oh, je te jure. Il faut que ça soit un peu mignon quand même tout ça. Ah, quand tu lances plus, c'est vrai. V, tu dis pas ça. Ah bah non, mais c'est clair. Enfin, pour Maya, bon, c'est autre d'accord. chose. Moi, ouais, je on comprends. On est d'accord. Okay. Bon. Sinon. N'y voyez aucune allusion ou autre. Hein. Bah oui, attends. Bon, la menthe, oui. Ça rafraîchit. Bah oui. Mais alors pourquoi elle rafraîchit cette menthe ? C'est la question, pas si utile, mais quand même. Alors, il fallait se la poser. On s'est ce posé matin. La question dans Grand Matin. Oui. Nous, alors cette odeur de menthe qui permet le rafraîchissement, vous l'ingérez comment la menthe, vous, habituellement ? Bah, par quelle manière ? En ouais, feuille. En feuille, ouais, il y a une boisson, un chewing-gum. Qu'est-ce que vous avez aussi ? Un chewing-gum, ouais. Le baume aussi pour les jambes. Ah non. Non, jamais de baume pour les menthes. Je sais pas pour vous, les femmes, non. Vous mettez jamais de baume. Ok, bon, très bien. Ça dépend. Ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes. Alors, comment ça se fait que ça rafraîchit ? Mais en fait, la menthe active. Je sais pas qui tu fréquentes, mais faut arrêter. Ah, ben, il y a certainement des femmes qui se mettent de la crème sur les jambes. Hein. Ça mais arrive. Pas du baume à la menthe. Ah, ben, c'est possible. Ça peut être à d'autres parfums, mais ça peut être du baume à la menthe. Bon. Écoutez, hein, s'il y a des femmes qui mettent du baume à la menthe, envoyez-nous un message sur le 70-2000. En tout cas, cette menthe active un canal. Le canal s'appelle le TRPM8. Là, vous comprenez tout. En fait, R2D2. Oui, c'est un peu le même genre. C'est une protéine qui se trouve dans les terminaisons nerveuses, au niveau de la langue et au niveau de la peau. Elle s'active en principe si la température oscille entre 8 et 25 degrés. À la bonne heure. À la bonne heure. Même, hein. Alors si le menthol entre en contact avec ce canal, eh bien l'information envoyée à notre cerveau et il fait froid. Ah. Voilà. Et le mécanisme est le même sur la peau. Voilà pourquoi les huiles essentielles à base de menthe, puisque ça existe aussi, ma chère Isa, nous rafraîchissent donc. Et voilà le principe du menthol. C'est le même principe avec l'eucalyptus, Jamy. Qui produit un effet glacial. On est un peu dans ces pas sorciers ici. Voilà. Et cette fois, c'est le canal sensible aux hautes températures, aux basses températures qui est activé, un peu comme le menthol. Et puis, il y a aussi le piment. Bah oui, parlons du piment. Le piment. Et bien, cette fois-ci, c'est donc le canal sensible aux hautes températures qui est activé, supérieur à 43 degrés. Le 636Z. Voilà. Cela trompe notre système et renvoie au cerveau une sensation de chaleur et de brûlure qui, en fait, n'est pas si effectif que ça. Merci, Jamy. Merci. Merci à vous. À tout de suite dans Grand Matin. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Tu es étudiant, jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Et le retour de cette rubrique question pas si utile mais quand même avec Fred et Jamy, bien sûr en cœur demain à 7h50. Merci PhoneMail, puisqu'il nous aide PhoneMail à tout dans cette émission. C'est un travail d'équipe. Voilà. C'est un travail d'équipe. Vous savez pas tout ce qui se passe ici. Merci François d'être là aussi, hein. Toujours présent, c'est notre technicien. Même à l'heure. À l'heure et le micro ouvert, bien sûr, forcément. C'est ça. Bah, tu sais, tu as parlé de menthe, ça lui a donné envie de prendre un café. C'est donc. Ça. Bon, bah, nous, c'est normal. On va retourner sur le web. Oui, OT, qu'est-ce qui se passe là-bas? On va aller donc, cette contrée sauvage qu'est le web. Ce qui arrive à Facebook. Oui. Facebook qui a racheté WhatsApp, vous le savez. Mm-hmm. WhatsApp où c'était très confidentiel jusqu'alors. Oui. Où on pouvait converser en ne donnant pas nos informations au logiciel. Sauf que maintenant, on reçoit des messages bizarres. Hein. Sauf que maintenant, comme Facebook a mis la main dessus, eh bien, louche. WhatsApp, c'est plus si confidentiel que ça. Aïe. Écoutez plutôt. Connect première. Bonjour, depuis 2 ans, depuis que l'appli de messagerie instantanée WhatsApp s'est fait racheter par Facebook, les deux entités ont su garder une certaine indépendance. Ah bah c'est fini, le rapprochement vient d'avoir lieu, on peut le constater en lisant les nouvelles règles de confidentialité de WhatsApp qui viennent d'être modifiées, alors qu'elles étaient restées inchangées depuis 4 ans. À l'époque, il était dit « Nous ne connaissons pas votre adresse, nous ne savons pas où vous travaillez, nous ne savons pas ce que vous aimez, ce que vous recherchez sur Internet ou votre position GPS. Aucune de ces données n'a jamais été collectée et stockée par WhatsApp et nous n'avons vraiment pas l'intention de changer cet objectif. » Oui, mais ces bonnes intentions, c'était avant l'arrivée de Mark Zuckerberg. Désormais, vos données WhatsApp vont être utilisées par la maison mère Facebook pour vous proposer, si vous avez un compte Facebook, des publicités dites pertinentes et pour faire des statistiques sur votre utilisation d'un service par rapport à l'autre, etc. etc. Bref, Facebook va se servir de WhatsApp pour peaufiner votre fameux profil Facebook. Tout ce qui est glané autour de votre navigation web, de ce que vous aimez ou non, etc. etc. Votre fameux portrait robot 2.0, le nerf de la guerre chez Facebook. Alors, nuançons et rappelons que, depuis quelques mois, WhatsApp chiffre de bout en bout les messages de ses utilisateurs. Donc, les deux entreprises savent avec qui chacun converse, mais ni Facebook ni WhatsApp ne sont censés pouvoir accéder à ce qui est dit, théoriquement. Alors, ces fameuses conditions générales que personne ne lit, eh bien, des petits malins les ont quand même décortiquées et il se trouve, bonne nouvelle, que vous avez la possibilité de refuser ce partage d'infos dont on parle. Alors c'est une option qui marche pour les anciens membres de WhatsApp, soit quand même 1 milliard de personnes sur Terre, qui ont 30 jours après l'acceptation des nouvelles conditions pour, je cite, choisir de ne pas partager leurs informations de compte WhatsApp avec Facebook. L'option n'est pas validée par défaut, c'est l'inverse qui est vrai. Mais vous pouvez donc changer tout ça dans paramètres mon compte. Tout simplement. Mais attention, hein, vous avez 30 jours seulement pour le valider. Belle journée. Donc on peut changer quand même, hein. Mais t'as 30 jours. 30 jours, faites attention si vous utilisez WhatsApp et donc Facebook. Première. Allez, ce matin, il y avait le grand défi de grand matin. Le petit déjeuner envoyé sur la page Facebook. La fameuse page grand matin où vous êtes de plus en plus nombreux. Et qui a gagné ce matin, Isa? Ah, eh ben faut choisir, hein. Ah, allez, bon, on regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On regarde. De toutes les photos que nous avons de petit déjeuner. Et on va faire sonner le téléphone de... Karine, allez, c'est parti. On fait sonner. Allô Karine, ah ben, ça a été rapide. Oui. C'est Isabelle et Mickaël. Ça va Karine? Ah ben oui, je vous reconnais. Oh, ben oui. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Ce matin, vous nous avez envoyé une petite photo. Et vous avez bien fait de prendre le petit déjeuner, Karine, car c'est gagné pour vous. Oh, oui. C'est super. Merci, merci. Mais il n'y a pas de souci, deux invitations pour aller au cinéma, rien que pour vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre petit déjeuner? Il était constitué de quoi? Alors, une bonne petite clémentine, bien juteuse. Oui. Un petit thé qui n'est pas encore préparé, mais ça ne va pas tarder. Là, j'arrive bientôt au bureau. Oui. Nickel. Et j'avoue qu'il manquait le petit paquet de gâteaux que j'avais déjà mangé Bah, si vous mangez avant le petit déjeuner, c'est pas possible. Un petit déjeuner à moitié entamé. Bah oui, je mange un peu sur la route, un peu. On vous comprend. Bah oui, on fait comme on peut. Karine, vous êtes automatiquement, comme tous ceux qui ont joué aujourd'hui, reversé dans cette grosse boîte de tirage au sort. Eh oui, peut-être pour vous vendredi, à gagner votre croisière en catamaran avec catamaran, catapassion. Bon, et ben on croise les doigts pour vous, Karine. Bisous, bisous. Bisous, Karine. À bientôt. Allez, bye bye. Au revoir. Et c'est l'heure du zapping. Johan et Cécile, nos journalistes, et ben ils gagnent paquet. Donald Duck s'est invité sur la première. Et Claude, qui pense seulement à bouffer. Ah, Claude. Tout le temps, Claude. Hein. Peut-être donner un pied de bois. Il boit pour mal au ventre. La paix, la paix, la paix, la paix. Ça, bacha, obéyez-la. Ok, toi, c'est de bobo. D'abord. L'objectif était de trouver une cohésion, pardon, une destination quelque part. Alors, ça y est, ça va? Ça va, ça? Est concernée puisque la société avait obtenu une délégation de service public de 15 ans. Andre, raconte-toi la vol. Comment? Pardon? Andre, raconte-toi la vol. Peut-être donner un pied de bois. Aujourd'hui, vous avez même offert à votre fille une jolie petite chèvre. Bah écoute... C'est ça, elle s'appelle Blanquette. Blanchette. Oh la pauvre chèvre. Je me mets à la place de Blanquette. Arrête. Non, c'est pas une blanquette de chèvre, c'est une blanquette de... Claude... Ok, coco, chouette, baba. J'aime bien la faire comme moi-même, l'ambiance comme ça, ouais, j'aime bien. Ouais. Bah oui, nous aussi, nous aime bien. En même temps qu'on s'approche de midi, normal un peu d'avoir faim pour Claude. La blanquette. Jackie, ça va, Jackie? Ça vous fait un massage à brillant. Alors, salut Claude. Bonjour, c'est Dé. Ça va bien? Bonjour, tout le monde, ça va bien, merci. Bon. Mais c'est à cause de cette grande histoire d'amour entre les Réunionnais et les bonbons. Ah, les bonbons. Un peu de douceur là, dans cette actualité triste de ce moment ici à La Réunion avec Peggy. Elle sera en direct avec nous. Et puis, Radio Ménage, le goût de Carapaille, Astuce du jour, les gens d'Urbaine, le miroir qui parle. Ça s'est passé à Saint-André. Non. Le miroir qui parle. Non, ouais. Ah, c'est louche, ça. J'ai peur. À suivre entre 9h et 10h. C'est chelou, ça. Ça me fait peur, ce truc. En plus, avec Prisca, elle aime ces trucs un peu. Encore plus chelou que le miroir, elle. Bizarre, Prisca. Bon, 8h, 10h, la colle Jacques, avec Jackie Revelle. Sauce in my bag, swag. I see it, I want it. I stunt yellow, want it. I dream it, I work hard, I grind till I own it. I twirl on the middle, albino alligator, El Camino with the Cielo, sipping Cuervo and Ojita. I go out, I go out, I cause I slay, I slay, I slay, I slay, I slay, all day, I slay, I slay, I slay, we gon' slay, gon' slay, we slay, I slay, I slay, okay, I slay, okay, okay, okay, okay, okay, ladies, now let's get information, cause I slay, okay, ladies, now let's get information, cause I slay, who to me, you got some coordination, Le Formation de Beyoncé sur Premier. On vous dit à demain, là, Agnan. À demain. Salut, bonne journée. On rejoint Yves Gruyer concernant l'accident du tampon. Les pompiers sont sur place, Yves. Oui, sur cet accident, oui, parce qu'en fait, y a deux personnes qui commençaient à avoir un peu mal au cou, sans doute, et du coup, les pompiers sont arrivés sur cette collision de quatre voitures entre Montcaprice et les casernes. Donc, ça dure un peu plus longtemps que prévu. Si ce n'était que dégâts matériels, on aurait pu faire bouger les voitures, surtout que les remorqueurs arrivent rapidement, généralement, sur cette quatre voies de tampon quand il y a des collisions. Mais là, donc, avec les secours, c'est un peu plus long. Donc, circulation toujours très, très compliquée, grosse galère depuis le centre-ville du tampon pour rejoindre Saint-Pierre ce matin. Suite à ce premier accident, depuis la rentrée, le trafic redescendu après le tunnel du Cap Laousset, ça coince toujours entre Grandfond-Boucan, la circulation virage du gouffre pour le début des difficultés sur la route du littoral, donc c'est un petit peu mieux qu'hier. Le pont Vincennes-les-Tranchées, c'est toujours encombré, l'entrée est également, mais ça roule mieux à la Marine, donc les ralentissements se sont rapprochés sur la partie Ravine des Chèvres jusqu'au chef-lieu. Voilà, et puis ici à Saint-Gilles-les-Hauts, ce sont des travaux qui sont en cours, il y en a encore pour à peu près 3 semaines, travaux de trottoir et d'assainissement. Restez prudent en traversée de Saint-Gilles-les-Hauts. Yves Gruyer, il est 8h. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane et Neil Aurac. Bonjour Stéphane. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Une gramoune de 85 ans, un étudiant de 30 ans, un couple a priori atypique mais pourtant bel et bien réuni dans un appartement dionysien. Il ne s'agit pas de télé-réalité mais de cohabitation solidaire, une première à La Réunion, une initiative de l'association Reste Pas Seul. En justice, 5 ans d'inéligibilité, c'est ce que risque Maurice Gironcel. Le maire de Sainte-Suzanne est accusé d'avoir tenté d'acheter des voix lors des dernières municipales. 20 ans de prison, c'est ce que risque un homme accusé de viol sur sa femme et sur une fillette à l'étang Salé en 2014. Jugement attendu cet après-midi dans ces deux affaires. Plus de 100 réunionnais diplômés lors des 5 dernières années, ça va continuer. Ils nous disent pourquoi ils ont choisi le métier d'opticien lunetier, un métier d'avenir. Face à l'isolement des personnes âgées, cette alternative proposée par l'association Reste Pas Seul, la cohabitation solidaire entre un gramoun et un étudiant. Le premier contrat a été signé hier à Saint-Denis entre Suzy, 85 ans, et Olivier, un étudiant métropolitain de 30 ans qui intègre cette année l'école d'infirmiers dans le chef-lieu.